Rock. C'est fou, 89.1. Le plan d'aujourd'hui, assemblage requis. Sébastien F. Gartin et Myriam Murti de Jonas Zone Campus vont nous parler du plus récent numéro. Et on suivra les aventures de notre homme en noir, Gabriel Béhoud, dans les coulisses de la Luitre. Assemblage requis commence tout de suite. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis en ce mardi 10 mars 2015. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. Salut, t'avais pas l'air sûre. Non, on dirait que je savais plus où on était rendu dans l'émission. Si je disais mon nom, si je disais le tien, j'ai eu un bug. j'ai eu un bug. Moi, j'étais en plein milieu de l'émission. Là. Ça arrive, on dirait moi, par moment. C'est moi qui est supposé faire ce genre d'erreur-là. Ben c'est ça, je pensais qu'il fallait que je dise Mathieu Plante, fait que là j'étais comme... Ah, c'est ça! Donc bonjour, bienvenue à l'émission matinale en pièces détachées. Aujourd'hui, Stéphanie, on va voir à 8h30 Myriam Lorty. Ah ben regardons ça. La chronique du jour dans son campus, ça s'en vient à 8h30. À 9h, tu nous fais Master Steph. Et si ça dégèle pas. Si ça dégèle pas, c'est quelque chose... D'habitude, ok, on va le dire d'habitude, on n'a plus de réfrigérateur, donc les affaires qui vont dans le frigo, ça se peut qu'elles soient plus molles rendues à 9h. Et là, en plus, t'ajoutes la twist, il faut que ça aille au congélateur. Ouais, mais c'est pas comme de la crème glacée, ça va pas finir en flaque, là, ça va juste être peut-être moins appréciable étant donné la température. D'accord. Mais on va pas boire une flaque. OK, il reste environ 1h30, on va savoir dans quel état ça va être d'ici là. On a aussi Gabriel Béhoud qui est là à 8h pour la crête du dans les coulisses. Voyons, qu'est-ce que je raconte? Dans les coulisses de la Luitre? La coulisse? Ouais. Dans les coulisses de la Luitre, c'est pas compliqué ça? Très bizarre qu'il fasse la zone campus. Ce serait bizarre. Mais on débute avec Sébastien F. Gartin qui est à nos côtés juste ici. Bonjour. Salut. Ouais. Content de te voir, ça va bien? Ouais, toi ça va? Ben oui, vous autres? Wow, ouais. Number one. Numéro uno, comme disent les Espagnols. C'est donc le moment de la chronique éditoriale. Sébastien F. Gartin, la chronique éditoriale du journal Zone Campus, qu'on reçoit aux deux semaines, ici même, dans nos studios. Oh que oui. Oh que oui. Oh que oui. Oh que oui. Et le plus récent numéro sort aujourd'hui du journal. Effectivement. Et je me rappelle même pas c'est quoi ton sujet. Je regarde ça, je me dis, attends un peu, là, il y a les élections de la GIE qui s'en viennent. Il y a plein d'histoires dans le monde, partout. Il y a juste de la com en ce moment. Mais qu'est-ce qu'il a choisi comme sujet, Sébastien F. Gartin? Ben, tu vas le savoir dans pas long. OK. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de My Little Pony. Non, c'est pas vrai. Chien. J'ai eu l'attention de Steph. Donc, non, en fait, aujourd'hui, ça va être la chronique avec plein d'acronymes parce que je vous parle d'asso étudiante nationale. Ok. Les asso étudiantes ont tendance à avoir à multiplier les acronymes. Donc, je vais vous donner une mission aujourd'hui. Ça va être une chronique interactive. Ok, cool. À toutes les fois, je vais dire un acronyme que j'aurais pas expliqué parce que moi, dans ma tête, c'est clair. Vous allez me couper la parole, vous allez dire « Oui, mais Seb, qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie? » Mais qu'est-ce que cette plaisanterie? Mais qu'est-ce que cette plaisanterie? Effectivement. Donc, il vient de se passer quelque chose dans le studio. Si t'en parles pas, ça paraîtra même pas. Donc, je vais continuer avec ma chronique. Je m'excuse, ça m'a un peu perturbé. C'est normal. Bref. Donc, c'est ça. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'une asso nationale? On peut faire un parallèle un peu avec les syndicats. Puis, dans le fond, dans les entreprises, il y a les syndicats locaux, tu sais, le syndicat de tel endroit, le syndicat de l'UQTR, ainsi de suite. Puis, il y a les centrales syndicales, comme la CSN, la FTQ, ainsi de suite. Ouais. Dans le mouvement étudiant, on a un peu le même genre de choses. On a les assos nationales, comme l'AGE, UQTR, par exemple. Puis, j'ai dit national, je voulais dire local, excusez-moi. Puis, on a les assos nationales. En 2012, on en a beaucoup parlé parce que je veux pas dans les cas des gros mouvements comme les grèves contre les hausses de frais de scolarité et ainsi de suite, comme on a eu en 2012, ben c'est eux autres le fer de lance un peu de tout ça. Fait qu'on pense à la FEUC, c'est-à-dire la Fédération des étudiants universitaires du Québec, ouais. Ou l'AC, l'Association pour une solidarité syndicale étudiante. Ça, c'est des assauts nationales. Il faut que je retienne celles que tu as déjà mentionnées. Ben, si tu te poses la question, tu peux quand même. Tu sais, même si tu n'es pas sûr, si je ne l'ai pas déjà dit, tu peux me poser la question. Ok, ça risque d'arriver. Parce qu'on est tous les deux enrhumés, Steph et moi, et en plus, il y a un écran bleu de la mort de Windows en même temps. C'était l'événement de tantôt. C'est ça. Que là, on se pose des questions. Moi, ça fait des années que je n'ai pas vu ça depuis que j'ai un Mac. Les ordinateurs sont fraîchement réinstallés de dimanche, juste pour te dire. De dimanche. Mon Dieu, que je suis content avec ma pomme. Ça fait déjà des écrans bleus. Steph, elle a un chandail bleu en plus, fait que ça me mène encore plus. Puis un micro bleu, fait que j'ai l'impression que tout plante autour de moi. C'est moi la mort. T'es le Harbinger, c'est celui qui amène la mort, c'est ça? Alors, ouais, c'était le Blue Screen of Death, mais bref. Donc, dans les assauts nationales, la situation, mettons, jusqu'en 2012, ouais. Ben, en fait, en 2012, c'est que, bon, il y avait la FEC qui était un peu le penchant cégepien de la FERC. On n'en parlera pas parce que ça nous affecte pas, en fait. Il y avait la bonne vieille FERC qui existe depuis une trentaine d'années, si ma mémoire est bonne. La FERC très très corporatiste, basée principalement à l'UDM. C'est pas un secret pour personne que c'est dans le fond l'équivalent de l'OGEQTR à l'Université de Montréal qui s'appelle la FECUM. Tu sais, c'était souvent le monde de cet assaut-là qui se retrouvait sur l'exécutif de la FERC, ainsi de suite. Assaut très montréalo-centriste, très proche du PQ aussi. La présidente en 2012, c'était Martine Desjardins, qui s'est retrouvée candidate pour le PQ. Léo Bureau-Blouin, qui lui était à la FEC, mais qui s'est retrouvé en fait député du PQ à un moment donné, puis qui est présentement le président de l'aile jeunesse, je me rappelle bien. La FEC, pas la FEUC. Là. La FEC. Oui, oui. Effectivement. Mais c'est. Effectivement. C'est les deux ailes de jusqu'à un certain point la même organisation. Okay. Là, ce qui est drôle, c'est que présentement, mes sources me disent que la FEC va pas trop mal, la FEUC va pas très bien par les temps qui courent. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les assos nationales ont une certaine durée de vie. Avant la FEC, avant la FERC plutôt, il y a eu la REC, il y a eu une coupe d'eau. Éventuellement, c'est que les assos commencent avec. Souvent, ils ont un combat précis. Ils commencent avec ça. Puis tranquillement, pas vite, ils s'embourgeoisent. Puis ils deviennent un peu plus bureaucratiques. Et ainsi de suite. C'est un peu comme les partis politiques. Oui. Puis là, la FERC était peut-être rendue un petit peu trop embourgeoisée. Puis un petit peu trop rendue corporatiste. Un des problèmes qui se posait avec eux autres. Là, j'étais pour en parler plus loin, mais je vais en parler tout de suite. En fait, ça va nous permettre de comprendre ce que je vais dire plus tard. Dans le fond, le GEQTR, on était affilié avec la FEC, avec la FERC. Ça commence bien. Ouais! jusqu'en 2009. Okay, ça, je me rappelle. Ça, tu t'en rappelles? Oui. On s'est désaffilié. Le GEQTR s'est désaffilié en 2009. Une des grosses raisons, c'était. C'était à cause du montréalocentrisme, que j'appelle. C'est-à-dire que les associations montréalaises pesait tellement lourd en termes de nombre d'étudiants puis donc de vote sur les décisions que finalement toutes les questions relatives aux régions étaient comme évacuées puis tout se passait à Montréal. Okay. Fait que tout ce qui touchait pas les campus montréalais, il y avait donc généralement en gros l'UDM puis certaines assos facultaires de l'UQAM ainsi que dans les universités anglophones, mais là je suis moins sûr, les universités anglophones c'était un peu bizarre leur affaire, on sait pas trop qui sont, mais en tout cas il me semble qu'il y en avait dans FEUC. Je pense que Concordia était là-dedans. Ce qui est encore plus bizarre, une fois prononcé en anglais, la FEUC, ouais, c'est ça. C'est bizarre là. Bizarre un peu. Ouais. Mais bref. Donc là c'est ça, ce qui arrivait c'est qu'on se sentait pas représenté, ça coûtait très cher parce que ça exigeait des cotisations. Okay. Puis plus souvent qu'autrement, c'est qu'en fait le mode de fonctionnement de la FEUC en très très gros, c'était qu'il y avait un exécutif qui prenait des décisions. Il amenait ces décisions-là au Congrès national. Généralement, vu que l'exécutif était généralement du monde des universités montréalaises, les gens sur l'exécutif étaient des universités montréalaises, ben c'est sûr qu'eux autres connaissaient surtout les dossiers des universités montréalaises. Donc, ils poussaient ça. Là, après ça, quand tu arrivais au Congrès, les assos régionales n'avaient pas vraiment de parole pour amener leurs propres affaires. Donc, c'était les affaires montréalaises qui passaient. Puis, c'est que la FERC forçait un petit peu, dans le contrat d'appartenance à la FERC, t'étais un petit peu pas mal obligé d'accepter. Dans le fond, ça disait que les positions prises par la FERC battaient les propositions prises dans les assos locales. C'était le flush royal. C'est ça. Tu sais, je connais rien au cap non plus. Là. c'est pas tout à fait ça, mais c'est ça. En gros, on était tout le temps. On passait un peu comme dans le beurre. Ouais. Nos affaires n'étaient pas très importantes. Puis c'était un gros problème de la FERC, en fait, parce qu'on n'était pas les seuls dans cette situation-là. Les grosses assos régionales, tu sais, dans les régions là, universitaires, étaient pas mal toutes affiliées à la FEUG jusqu'à un certain temps. Là, il y a eu dans le fond les grèves de 2005 et 2007 qui ont comme déjà brassé certaines choses. Notre désaffiliation était un peu justement dans le contre-coup de ça, parce que c'est là que les gens ont eu vraiment leur Waterloo. Puis il y a eu énormément de désaffiliations depuis ce temps-là. Puis présentement, la FEUG est sur ses derniers jours, en fait. Ah oui, pour vrai, il reste juste des associations montréalaises, j'imagine. Ben, je sais pas exactement qui reste dedans. Puis ça, c'est tout le temps un gros litige, parce que la FEUG reconnaissait généralement pas les désaffiliations. Puis ça se finit avec des avocats. OK. Fait que c'est touché à dire qui est dedans, qui est pas dedans. Parce que la FEUG a une liste qui serait la liste officielle. C'est souvent mais pas mise à jour, hein? Ben, c'est pas qu'elle est pas mise à jour, c'est que, mettons, les votes, les référendums de désaffiliation sont pas reconnus par la FEUG parce que les autres posent des conditions qui sont comme impossibles à remplir. Donc, ce que ça vient, c'est qu'il y a plusieurs assos qui se considèrent comme indépendants de la FEUG, qui refusent de payer leurs cotisations, mais que la FEUG considère comme membre quand même, pour pas perdre la face. Les cotisations, est-ce que c'est des cotisations qui étaient... quand t'étais dans la GE, t'avais un montant qui était... était mis pour ça, pour la FEUG, dans ta liste de choses à payer. Exactement. Okay. Dans la liste des frais de scolarité, il y avait tous les frais, les différents frais, puis il y avait cotisation à l'OGEQTR, cotisation à l'ASSO de programme, puis il y avait cotisation FEUG. C'était à part, c'était pas inclus dans le prix de l'OGE. C'est ça, c'était pas inclus dans le prix de l'OGE. D'accord. Ce sera pas long, je vais juste regarder mes points. Donc, c'est ça. Fait qu'on a la FEUG qui était comme cette espèce de monstre bureaucratique-là. Puis c'est ça, c'est que c'était extrêmement compliqué à avoir quoi que ce soit. C'est comme petite mémoire personnelle, je me rappelle en 2012, les grosses manifestations à Montréal étaient organisées par la FEUG, principalement. Notamment la fameuse grosse manifestation du 22 mars 2012, là, qui avait, premièrement, on était au mois de mars, puis on était en t-shirt dehors, là. S'il y en a qui s'en rappellent. Non, j'aimerais que ce soit le cas en ce moment, mais... Ouais, c'est ça, mais c'était assez épique. C'était pendant c'était la semaine que le GEQTR avait été en grève générale, illimitée. Il avait fait super beau. On avait piqueté en t-shirt dehors, puis effectivement, la grosse manif, c'était le jeudi, je pense, si je me rappelle bien, le 22 mars. À minuit, à midi 12, si je me rappelle bien, peut-être les faits, genre ça a l'air super exact. En tout cas, il me semble que c'était un jeudi, je me rappelle c'était le 22 mars, mais on était j'ai une photo qui le prouve, on était en chemise et en t-shirt dehors. Puis c'est ça, dans le fond, cette manifestation-là avait été organisée par la FEUG principalement, puis ça avait été un chiard complet parce que nous autres, on arrivait là avec 13 autobus juste de la GEQTR. Puis là, fallait que quand je réservais ça, c'était mon devoir de m'occuper de toute cette logistique-là. Puis quand je réservais pour les autobus, moi, le transporteur, je voulais savoir où ce qui est dompé ces autobus pendant qu'on faisait la manif. Fait que là, essaye de rencontrer quelqu'un, puis là, t'appelles, mettons, le vice-président à telle affaire. Là, il dit « Ah, mais c'est tel autre vice-président qui s'occupe de la manifestation. » Fait que là, t'appelles lui, parce que là, ils ont tous un numéro de téléphone, puis ils peuvent pas te rediriger, bien sûr, tu sais. Fait que là, parle à l'autre, puis il dit « Ah ouais, mais pour les autobus, faut que tu parles à tel sous-secrétaire. » Parle à tel sous-secrétaire, puis il dit « Ah, mais t'es supposé de contacter ton représentant régional. » Je dis « Ouais, mais c'est parce qu'on est plus affilié, le grand. J'en ai pas de représentant régional. » Il dit « Ah, ben c'est là... » pas mon problème. Fait que finalement, je me rappelle même plus comment je m'étais arrangé. Je pense que le cégep était encore affilié avec la FEC dans ce temps-là. Puis comme j'ai dit, c'était un peu la même organisation, fait que... Non, vous autres, vous parquez vos autobus où? Ah oui, ah, good, parfait, on va être là, nous autres, avec. C'était pas mal, ça. Mais bref, c'était juste pour donner un exemple un peu, tu sais, monstre bureaucratique. À l'opposé, on a l'AC qui est encore beaucoup plus marginalisante, entre guillemets, même si présentement, c'est rendu pas mal la force du mouvement étudiant. C'est eux autres qui vont caler les grèves cette année, si jamais il y en a, pour le fameux printemps anti-austérité. Ouais, ouais. Eux autres sont beaucoup plus idéalistes, premièrement. Je dirais que c'est une asso qui a pas encore commencé son déclin cynique, qu'on pourrait appeler. sont encore des grandes idées. Mettons, par exemple, absolument tout se fait par démocratie directe. Les exécutants, les officiers, ils n'ont pas des postes comme président, vice-président ou ainsi de suite. C'est des coordonnateurs, des secrétaires à telle chose. Il n'y a vraiment aucune idée de hiérarchie là-dedans. C'est pour ça que je dis un peu l'idéaliste. Aussi, ils sont très, très féministes dans le sens... dans les réunions, je sais pas comment ils appellent ça, eux autres, c'est pas des congrès, mais en tout cas l'équivalent, qui ont à tous les mois. T'as tout le temps deux micros, t'as un micro homme, un micro femme. Puis ouais. C'est plus la ségrégation des sexes que... Ben, c'est encore drôle, c'est parce que l'idée de ça, c'est que c'est pour empêcher qu'il y ait trop de gars qui monopolisent le micro pour aller gueuler dedans. Ah ouais. Ah. Bon. c'est discutable comme ben méthode, ouais. Mais tu sais, l'idée derrière ça, c'est certaines choses. Là, j'ai l'air de. Tu mets une mousse rose sur le micro des fans. Tant qu'à faire. Je sais pas s'ils font ça. Ce micro, tu sais, là, les petits micros pour une jeune fille qui chante du karaoké. Genre, c'est ça, avec un petit truc au bout pour que ça amplifie ta voix. Honnêtement, connaissant le type de féministes qui se tiennent là-dedans, je penserais pas. OK. Ceci étant dit, c'est drôle à imaginer. Full glitter. C'est ça, ça en est un de glee, tu sais. Mais non, c'est ça. C'est ça, l'AC est très très. L'AC se bat pour la gratuité scolaire, contrairement à FERC qui est juste pour. Bon, on veut garder nos acquis. T'sais. La FERC, c'est pas mal. Ces dernières années, c'était pas mal ça. On veut garder nos acquis, puis tu veux aller chercher d'autres affaires. Bof. Ça stagne un peu. Là, ouais, mais ouais. C'est pas important. Tandis que l'AC, eux autres, c'est vraiment. Non, c'est la gratuité scolaire. Puis ils ont un paquet de demandes très très précises qui sont très intraitables dessus d'ailleurs. Comme on l'avait vu en 2012, eux autres commençaient à dire ah non, on retire rien de la table. Nous autres, en même temps, c'était se créer un rapport de force de négociation. Tant qu'à moi, là, je trouve que le monde leur a cassé un peu de sucre sur le dos là-dessus. Mais ça reste que c'est ça. Eux autres, c'est très très. Très très tranché, on peut dire, j'aime pas le mot radical dans ce cas-là, mais on pourrait dire que c'est l'assaut la plus radicale. Parce que je trouve radical, ça a une grosse connotation assez péjorative, oh, qui ouais. Est pas nécessaire, je veux dire, c'est pas nécessairement une mauvaise chose qui garde l'œil. Des terroristes, on va se le dire. Non, mais tu sais, comme par exemple, ils ont été accusés de ne pas dénoncer la violence, entre guillemets, qui était faite dans les manifs, tu sais. Eux autres, ce qu'ils disaient, c'est qu'ils disaient, ouais, mais on va pas dénoncer le fait qu'il y a des vitrines de brisées pendant qu'il y a du monde qui repart en ambulance à cause qu'ils se font tabasser par des polices, ouais. Eux autres, ils trouvaient ça imbécile, puis, effectivement, là, tu sais, je veux dire, il y a quelque chose d'un petit peu trash de voir des polices en full body armor se plaindre qu'ils se font intimider par des étudiants en bras de chemise, puis avec des petits poteaux de bois, tu sais. Mais en tout cas. Là encore, j'ai l'air de ben gros et de femme, je suis pas un gros fan de l'AC non plus. En fait, moi personnellement, je suis pas un gros fan d'Assaut National en général. La raison étant que, ben je vais commencer dans le concret un peu, c'est que l'AGEQTR depuis 2009 est indépendante. Ouais. On est une asso complètement indépendante, on s'est tapé 2012, complètement indépendant d'Assaut National. Comme je dis, j'ai eu affaire ponctuellement, parce que c'était moi qui étais sociopolitique dans ce temps-là, là, fait que c'était pas mal moi qui s'en occupait. J'ai eu affaire à toutes les assauts nationales à un moment ou à un autre. T'sais. Il a fallu que, de manière ponctuelle, mettons, ne serait-ce que parce que c'était eux autres qui organisaient les manifs. Cependant, On n'a jamais été dépendant. Contourne le problème. Contourne. Ouais, c'est ça, contourne le problème grammatical. On n'a jamais été dépendant d'une assaut nationale pendant 2012, puis on s'en est plus ou moins bien tiré. Puis par plus ou moins, c'est surtout que j'essaie de me modérer parce que je trouve qu'on s'en est très bien tiré. En fait, on s'était bâti cette année-là une assez bonne crédibilité avec les médias régionaux, entre autres. Puis ce qu'on aurait même été empêché de faire, parce que sinon il aurait fallu qu'on passe par l'assaut national pour parler aux journalistes, qui aurait été un peu ce qui nous aurait en fait limité. Je vais donner même un exemple de ça. On avait pris position en 2012 pour le FSSEP. Ça, c'est le fond de Je m'en souviens plus. Ouais. Mais j'en parle dans mon article, en fait. Je donne même un lien qui l'explique un peu mieux que ce que je vais probablement faire là. En gros, le FSSEP, c'était la solution qu'on proposait pour le... à place de la hausse des frais de scolarité. L'idée de ça, c'était que c'était une taxe sur la masse salariale des entreprises. C'était 1% des grosses entreprises. Puis là, on parlait des affaires comme Alcan ou Kroger, tu sais, des grosses compagnies qui ont, tu sais, là, des 300-400 et plus employés. Mm. C'était 1% de la masse salariale qui s'en allait dans un fonds qui permettait de payer différents services. Tu parles évidemment du fonds des services de santé et d'éducation postsecondaire. C'est exactement ça. Merci Mathieu. Moi, je savais comme ça dans ma tête. Ouais, c'est ça. C'était surtout pas checké sur ton ordi. Ben non. Franchement. Qui blue screen pas parce que c'est un Mac. Bref. On va être chauvin un placé. Peu. Bien placé. Bon. C'est ça. Fait qu'on avait proposé le FSSEP. Ça faisait des années que l'ATASEC, qui est une autre asso nationale, que dans mon article, si ma mémoire est bonne, je surnomme le groupe de soutien des frustrés de la FERC. c'était le fun, ça partait d'une bonne idée, c'est qu'eux autres, c'était vraiment... Ils voulaient faire exactement le contraire de la FERC, il y avait 4 assauts là-dedans, en 2012. Puis l'idée, c'était vraiment... ils prenaient toutes les décisions ensemble, puis la TASEC ne faisait rien s'il n'y avait pas l'unanimité des membres qui étaient d'accord. Donc, c'était bien beau sur papier, mais ça a juste donné qu'ils n'ont absolument rien fait. Dans le plus gros des cas, c'est qu'ils étaient reconnus quand même comme une asso nationale, fait qu'ils ont été invités à la table de négociation, puis ça a été le seul moment où ce que le GEQTR s'est vu léser un peu de sa non-affiliation nationale. Mais la TASEC défendait le FSSAP depuis déjà une couple d'années. En fait, la CADEL de l'Université Laval le défendait depuis longtemps. C'était eux autres qui avaient même eu cette idée-là. Puis nous autres, en à peine un mois qu'on a eu cette position-là, on a réussi à faire passer ça dans les médias régionaux, puis même un peu au national, même s'il y a eu des addons qui ont fait que ça s'est pas tellement discuté au national. Mais à Trois-Rivières, ça a été sa sortie des médias. Radio-Can Trois-Rivières a fait un gros topo là-dessus. On a même rencontré la députée libérale de Trois-Rivières de l'époque, qui avait, d'ailleurs, les députés libéraux avaient c'était fait dire par leur boss, Jean Charest, de ne pas parler aux étudiants, puis elle a accepté de nous rencontrer quand même pour parler de ça. Fait déjà là, c'était assez big. Donc, en gros, ce que je voulais montrer, c'est que la GEQTR se débrouillait bien indépendante. Donc, on n'avait pas tellement à courir après des assos, des affiliations nationales. Ce qui, puis comme j'ai parlé un peu tantôt, avec la FERC, c'était vraiment pas magnifique du tout. T'sais, là, ça a vraiment été le jour puis la nuit. Là, toute cette très très longue formation, cours sur, sur les associations nationales. N'était qu'un préambule. N'était qu'en fait un préambule. Là, j'imagine les auditeurs s'arracher les cheveux. Mais. Donc, c'est fini le bout de plate. Dans le fond, ce pourquoi je parlais de ça, c'est que dernièrement, dans le fond, certaines assos régionales, c'est-à-dire la GEQTR, le Majucac de Chicoutimi. Ça, c'est la même chose que la GE, mais là-bas. Ouais. Faites-vous en pas pour les acronymes. Ouais, c'est Majucac. Ça. C'est le mouvement des associations générales des étudiants. C'est parce qu'eux autres, ils ont des AGE pour chaque département. Les mini-AGE, c'est ça, pour chaque département. Fait que le Majucac est comme ce qui ramasse tout ça. Hein. Ça donne un très bel acronyme. Ben vraiment, c'est un des plus beaux que j'ai vu. Nous autres, on faisait des jokes sur le fait qu'ils faisaient le président des assemblées générales devait porter une robe puis un chapeau pointu. Il y a des potions, ah, c'est beau. En fait, on dirait un nom de Pokémon. Vraiment, le Magikarp. Ben, il y a le Magikarp, qui est un Pokémon. OK. C'est lui qui fait juste sauter puis rien faire. C'est pas vrai, il mimique l'ennemi. Ah oui, c'est vrai. Puis après ça, il devient une espèce de giga gros dragon bleu. Exactement. Waouh, t'es plus au courant que t'en avais l'air au début, là, mais ouais. Ouais, c'est cool. Regarde, t'as pas écouté Pokémon? Ah, pas assez. Pas assez. Ah, première génération, même. Ouais. OG. Le OG, Original Style de Pokémon. Non. C'est OS, mais en tout cas. Non, OG. Original Style. Non, mais OG. OG, les rappers qui disent ça. Comment? Tu suis pas le rap? Non, vraiment. Pas non plus. Non, c'est ça. J'ai des bases dans tout, mais. Mettre en rien. Ouais. Bref, donc, ce que je voulais emmener avec ça, j'ai complètement. Ouais, c'est ça. Donc, Chicoutimi, Remdus de Sherbrooke et m'en manque une. Agecœur de Rimouski. Donc, ils appellent ça la table des régions. Ça fait déjà une couple d'années que ça se réunit, ça, avec le jeu QTR. Excusez-moi, le rhume. Ouais. Ça se réunit depuis un certain temps, qu'ils travaillent ensemble sur certains dossiers. Puis là, ils commencent à parler de créer une association. En fait, ils viennent de pas mal déclarer que c'était le prochain projet, c'est de créer une association nationale. Nationale? On dirait que j'ai dit ça souvent, association nationale aujourd'hui. Mais tout en étant toujours pas national, c'est plus provincial. C'est ça, ben on dit national, c'est au Québec, on dit national. Ouais, on même dit les fédéralistes souvent, disent national pour dire le Québec. Là. Je suis sûr qu'il n'y a rien d'autre que du Québec là-dedans. Pan-québécois. Bon. D'accord. Ben, c'est, en fait, c'est même pas fermé à ce que des assos. Du Nouveau-Brunswick un jour. Je veux dire, il n'y a jamais personne qui a parlé contre ça. Ça s'est jamais fait. Parce qu'on a un système d'éducation assez différent des autres. Mais, tu sais, la porte est ouverte, j'imagine. Donc, c'est ça. De créer une association nationale, j'allais encore dire une fois de plus. Hein? Pour bien représenter les régions, ce coup-là. Parce que dans l'histoire du mouvement étudiant, ça a toujours fini de même. Toutes les ASNAT, tant qu'à ça. Mais l'ASNAT, c'est l'Assemblée nationale. C'est pas la même affaire. Mais en tout cas, ont eu généralement la grosse tendance à être montréalo-centriste. Ouais. Ça s'est tout le temps pas mal avéré. Fait que là, on veut du changement. On aimerait ça de ne plus compter pour de la chenoute dans les régions. Donc, ce que ça crée un peu de remous. Puis entre autres, je parlais tantôt de la FERC. J'ai fait un long discours là-dessus. La FECUM, la fameuse FECUM de l'Université de Montréal, qui est un peu, moi je l'appelle l'architecte de la FERC, là. Là, ils parlent de des affiliés, puis ils parlent de créer eux autres aussi une nouvelle asso nationale. Est-ce qu'ils essayent de s'approprier l'asso des régions? peut-être. Là, c'est sûr que ce qui a été dit sur l'assaut des régions présentement, c'est qu'ils veulent tout faire pour pas que ça ressemble à la FERC, c'est-à-dire faciliter de s'affilier et de se désaffilier, tu sais, et non toujours avoir besoin d'avoir recours aux avocats, puis avoir des longs contrats, puis des affaires de pas d'allure. Puis l'autre gros point aussi, c'est qu'ils veulent privilégier, ils ont dit privilégier le profil et non le membership. Ce que ça veut dire. Ouais, pas sûr, celle-là. C'est pas clair. Non. C'est pas sur le modèle de Costco, donc c'est pas c'est ça, c'est ça. C'est ce qu'il faut comprendre, c'est que la FERC, comme l'AC, pour les décisions, ça se prend au proportionnel au nombre d'étudiants. Tu sais, mettons, là, j'ai eu QTR, on a 10 000 étudiants, ben, mettons, on a deux votes, puis mettons, la une autre place, il y en aurait trois fois plus, il y aurait trois fois plus de votes, donc c'est ça, mettons, c'est ça, 6. OK. Mettons, la CADEL a 35 000 étudiants, donc aurait 3 votes et demi. 6 votes et 7 votes, dans le fond. Ouais. Je m'en ai dit 6 votes et demi, mais non, c'est 7 votes. On prend le même. Ouais. Je sais pas exactement c'est quoi les répartitions, je les connais pas, parce que j'ai jamais eu à dealer avec ça. Mais, tu sais, c'est un truc dans ce genre-là. Tu sais, mettons, c'est une métaphore, mettons, ouais. On va dire ça de même. Donc là, nécessairement, ça donne un gros avantage aux associations des gros centres, c'est-à-dire Québec-Montréal, parce que. Bon, on a l'Université Laval qui a, si ma mémoire est bonne, une 40 000 étudiants. On a l'UDM qui est dans les mêmes chiffres. On a l'UQAM qui est dans les 35 000, si ma mémoire est bonne. À la limite, on a Sherbrooke qui en a quand même pas mal plus que nous autres. Je pense qu'on est 20 000, mais ça, je suis pas certain. Puis après ça, on a le GEUQTR qu'on est à 10 000. Puis après ça, tu tombes dans les assos comme justement l'Université du Québec à Rimouski, où ce sont 4 ou 5 000. Ouais. Et là, donc, encore là, même si on compte pour un certain nombre de votes, le nombre de gens qui se présentent pour des votes d'habitude à la GE, c'est parmi les quelques dizaines ou quelques centaines. Par contre, dans ce cas-là, ça, on parle dans des congrès qui se passent, mettons, tous les mois. Puis toutes les associations envoient des représentants, puis c'est ces représentants-là qui ont le droit de vote. Ah, là, okay, c'est pas littéralement la population étudiante. C'est ça. Dans le fond, si on était affilié, mettons, à la FERC présentement, ben on enverrait, mettons, Mathieu Roy, puis qui est sociopolitique. Ah, ben Jean-René Leblanc. Ouais. Dans le fond, ça serait, mettons, le président, les affaires sociopolitiques. Nos envoyés spéciaux là-bas qui vont. C'est ça, tu sais. Ouais. Mettons qu'on aurait deux représentants, ça serait ça. Parfait. Puis là, souvent, il y a l'attaché politique qui suit, tu sais, même si lui ne votera pas parce que c'est pas un élu. OK. Donc, c'est ça. C'est à peu près ça. C'est des délégations de 3-4 personnes, d'habitude. Puis eux autres, ces personnes-là ont le droit de mobiliser un certain nombre de votes. Okay. Mais tu sais, les délégations sont toujours à peu près le même nombre de personnes pour toutes les. Donc, c'est ça. Dans le fond, ils lèvent leur carton une fois, mais leur carton vaut pour tant. OK, je comprends. Donc, c'est ça. Là, ce qu'ils ont l'air de dire dans le communiqué de presse qu'on a eu, c'est que ça sera plus le nombre d'étudiants dans l'association qui va compter autant que, mettons, par région. Fait que je sais pas si ce qu'ils ont l'intention de faire, c'est de mettre, il y a un certain nombre de votes pour la Mauricie, un certain nombre de votes pour la Ville de Québec, un certain nombre de votes pour Montréal. Puis que, mettons, il y a une association qui est affiliée, qui est de Montréal, ben cette association-là, tous les votes reliés à Montréal. S'il y a une autre association qui s'affilie, ben là, ils vont séparer ces votes-là à deux, puis ainsi de suite. Je sais pas si c'est ça qu'ils ont l'intention de faire ou si c'est d'autres choses, ou si même ces plans-là sont pas encore faits, peut-être. C'est peut-être juste les grandes lignes qui sont tirées, là, l'idée de dire. C'est ça qu'ils ont affirmé beaucoup, c'est de dire on veut plus que les régions passent pour de la scrap. Ouais. C'est surtout ça. Donc, fait que c'est ça, en très très gros. Moi, ce que je dis, le questionnement sur lequel je termine mon article, c'est est-ce que c'est pertinent? Tu sais, je vois un certain nombre de scénarios que ça peut donner. Premièrement, ça peut facilement se faire quand même noyauter d'une manière ou d'une autre, pareil comme la FERC l'a toujours été par certaines assos montréalaises. Même si ce n'est pas maintenant, ça pourrait devenir ça plus tard. C'est ça, c'est ça. Ça pourrait facilement évoluer. Des fois, il y a certaines choses qui tiennent à un vote que la bonne personne, 3-4 personnes n'étaient pas là et sont parties aux toilettes au même moment, puis t'es fait. Tu viens de tout scraper l'assaut. Des fois, ça arrive. L'autre chose que je vois aussi, l'autre danger, c'est que ça devienne une deuxième TASEC. C'est-à-dire que c'est bien beau sur papier, c'est donc chouette, on a donc du plaisir ensemble, mais ça fait rien. Ça fait strictement rien. Puis là, l'autre affaire aussi que je trouve tout le temps dangereux, c'est que c'était un des gros arguments pour se désaffilier de la FERC, c'était de se débarrasser des cotisations. C'était 20 000 $ par année que le GEUQTR envoyait. Je dis que c'est les étudiants qui payent, puis que c'est le GEUQTR qui envoie, mais c'était 20 000 $ par année pareil. C'est ça. Que le. Qui partait de l'UQTR pour aller à FERC, faudrait pas que ça recommence non plus. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Ouais. C'est de l'argent pareil. On sait que les finances de l'UQTR, ça va. coussi, pas trop pire, pour être positif. Mais, tu sais, on n'a pas besoin de ça non plus. On n'a pas besoin de se créer encore des nouveaux frais sur notre facture de frais scolarité non plus. Fait comme tu l'as dit, ça allait bien indépendamment, donc on pourrait potentiellement continuer comme ça. Ouais. Tu sais, moi, la seule fois dans mon depuis le temps que je m'implique à l'AGE, que j'ai vraiment eu l'impression qu'on était on était lésé par notre non-affiliation, par notre indépendance, c'était quand, en 2012, quand ils ont finalement fait une table de négociation. Puis là, ils ont invité les assos nationales, puis c'est tout. C'est ça. Fait que nous autres, on était ben jam avec la TASEC dans ce temps-là. Fait que sans être affiliés à eux autres, on savait un peu ce qu'ils étaient pour dire. On était généralement d'accord avec eux autres. Mm. C'était du monde ben modéré, né oui. Fait que c'était dur d'être en désaccord avec eux autres. Mais, tu sais, c'est ça. Et s'il y a une nouvelle affiliation quelconque, est-ce que ça va repasser au vote étudiant? Oui, ça, c'est sûr. Ben, j'ose espérer. Supposément, selon les principes de la chose, ça devrait. Selon les principes de la chose, puis selon les statuts et règlements de la GEQTR, on peut pas s'affilier s'il n'y a pas un référendum de fait pour ça. Même si c'est encore une fois seulement quelques dizaines ou quelques minuscules centaines de personnes qui vont voter, ça va quand même être mis à la. Au vote, au balotage. C'est ça. Ouais. Ça sera pas au moins. Ça va être quand même plus que les 30 personnes qui sont sur le CA, mettons. Oui, mettons. Ou les présentement 8 personnes qui sont sur l'exécutif. Oui. L'autre chose aussi, c'est que pour les référendums, si c'est un référendum qui est choisi, ça se fait par vote électronique. Déjà là, ça attire beaucoup plus de monde que le qu'en personne. Parce qu'il y a une campagne de fait, il y a un camp du oui, un camp du non, puis ainsi de suite. Comme dans le temps de la désaffiliation, c'était le même que ça s'était fait. Puis il y avait eu, là, j'ai pas les chiffres, là, mais il y avait eu quand même un bon. Ça avait plus participé qu'aux élections de l'AGE, ça donne une idée. Okay, wow. D'ailleurs, ça avait augmenté un peu la participation aux élections de l'AGE qui avait eu lieu tout de suite après. En répercussion un peu, ouais. C'est ça, ça avait conscientisé un peu le monde sur hey, votre asso existe. Fait que, ben, ça ressemble à ça pour aujourd'hui. Voilà. Je pense que ça allait être assez. un énorme sujet, c'était, on va se ouais, dire. C'est ça, c'était lourd aujourd'hui. J'en suis désolé. Lourd, mais important à savoir. Et on peut lire une version extrêmement condensée sur deux colonnes de journal dans le campus qui sort aujourd'hui. Effectivement. Il n'y aura pas 10% de l'information que tu nous as donnée aujourd'hui, mais quand même. Il y a plus que 10% quand même. Probablement beaucoup mieux. Beaucoup mieux rédigé que ce que j'ai dit. C'est des phrases mieux construites qui se tiennent un peu mieux et qui sont moins redondantes. Et il y a des liens aussi, liens virtuels et liens papier raccourcis vers différents documents que tu proposes pour soutenir tes propos. C'est ça. Ben, entre autres, il y a le FSSEP, je fais juste y faire allusion dans l'article, fait que j'ai mis un lien pour ça. Dans le fond, la CADEL, qui est l'assaut de l'Université Laval, ont fait un document très bien fait là-dessus, qui est sur un site internet, fait que j'ai donné le lien de ça. L'autre, si je me rappelle bien, c'est le communiqué de presse de la table des régions à propos de cette fameuse nouvelle assaut-là, que j'ai donné le lien aussi, là, pour que le monde voit que je fais pas juste bullshit de quoi par rapport à ce qu'ils ont dit. Lancer des informations dans les airs. Donc, c'est sur l'article dans Zone Campus papier, ouais. Et ça va être sur le blog aussi, zonecampus.ca. On te lit aux deux semaines ta chronique éditoriale en page 5 du Zone Campus. Toujours. Et on te retrouve dans deux semaines, les mardis à 7h30. Ok, oui. Sébastien Vigartin, merci beaucoup. Avec plaisir. Et si le cas échéant, une association se forme, les gens pourront dire ben, Colin, je te suis. Fait qu'on écoute Navarre. Et je te suis. Je suis quelqu'un d'autre ce soir, je m'invente une vie. Anyway, voulais-tu vraiment savoir qui je suis? Je suis une pure étrangère, je suis une guerrière. Sur toi, je danse sans savoir si tu me plais. Tu es là. C'était Navarre avec Je te suis à Assemblage Requis. On prend notre pause quelques instants. On retourne, c'est Gabriel Béhoud dans les coulisses de la Luitre. Là, on parle du Zone Campus avec Myriam Lorty. Puis après ça, Master Steph. Ça commence à être loin, mais ça donne faim. Fou d'originalité. C'est fou, 89.1. Assemblage Requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Bonjour, Assemblage Requis, l'émission matinale en pièces détachées. On est mardi 10 mars 2015. C'est Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. Ah, tu t'en es souvenu? Oui, je l'ai eu, là. Merci! Yay! C'est Gabriel Béhoud qui arrive pour mettre un petit peu de. Il arrive pas, il est arrivé. Allô. Mais il veut mêler nos affaires, là. On saurait plus qui est qui entre Mathieu Plante et Gabriel Béhoud, là. T'sais. Ça ressemble beaucoup. Ah, vraiment, là. C'est la même chose. C'est dans les coulisses de la Luitre. Salut Mathieu, ça va? Franchement, oui, ça va toi? Oui, ça va. Cool. Hey, on a passé une belle soirée hier. Ouais, c'était fun au bout. L'avant-dernier match d'improvisation régulier. Oui. Pour la saison. C'était pas mal fun. Tellement de fun qu'on a encore une fois envoyé notre envoyé spécial. Oui. Gabriel Boutin en train haute sur le terrain. Certainement. Donc voici lundi soir, le matin. Allez! Écoutez lundi soir le matin, la chronique sur l'impro universitaire. Je suis seul près de la chasse-galerie où aura lieu le match de la Luitre. La Ligue universitaire, vous le savez, là. Ce match opposera les Oranges aux Bleus. Les Oranges sont menés par Alexandre Ramizouiki, alors que les Bleus le sont par Vincent Rainville. Et il s'agit de l'avant-dernier match de la saison régulière. Donc, préparez-vous pour un match haut en couleur et faites place... au face-à-face. Face-à-face. Je suis avec le capitaine de l'équipe des Oranges, la couleur. Monsieur Zwicky, c'est le dernier match de la saison. Comment on se sent? Je dois dire que c'est le stress. Si c'est le dernier match, j'étais tellement stressé que j'ai pris des drogues. Puis je m'attendais pas vraiment à avoir une grosse banane m'interviewer, je dois dire. Et puis, question de fruits et légumes. Quel est votre légume préféré, monsieur Zwicky? 97% des gens diraient la tomate. Mais moi, je vais vous dire que la tomate, c'est un fruit. L'avocat aussi. bon match et puis bonne chance dans les séries. Vous êtes la banane la plus sympathique à laquelle j'ai parlé aujourd'hui. Face à face. Je sais que M. Rainville, le capitaine de l'équipe des Bleus. Vincent, comment t'envisages les playoffs? Écoute, les playoffs, c'est tout le temps la lutte comme normale, mais avec deux fois plus de stress puis quatre fois plus d'énergie. Fait que ça peut pas être mauvais, là. D'accord. Avec toutes ces multiplications, qu'est-ce que tu additionnerais à ton équipe et qu'est-ce que tu soustrairais à ton équipe pour les playoffs? J'additionnerais probablement une coupe de bière additionnelle en deuxième période, surtout parce que généralement, la caisse est vide à la première période, étant donné que sous les projecteurs et la salle croulante de personnes, il fait très très chaud sur scène pendant les playoffs. C'est vrai qu'il fait soif. Vincent, bon match ce soir et puis bonne chance dans les playoffs. Hey, merci, là. je suis avec l'étoile de l'arbitre. Elle semble vraiment contente. Tu peux-tu nous dire ton nom, ton âge, ton poids, ta grandeur, et puis comment tu te sens étant étoile de l'arbitre? C'est Florence Bouvet-Bouchard, j'ai 20 ans, je pèse 20 livres et je mesure 20 cm. En tout cas, oui, j'ai gagné l'étoile de l'arbitre, je suis vraiment super contente. J'ai eu beaucoup de plaisir ce soir, puis ça ne fait que couronner la chose. Vraiment contente, très contente. Et puis, qu'est-ce que tu penses de finir ta saison avec l'étoile de l'arbitre? T'as fini ta saison ce soir ou tu joues la semaine dans deux semaines dans la semaine? Ouais, dans le fond, c'est ça. Je n'ai pas fini. C'est ça. Je vais en gagner une autre dans deux semaines. Fait pas fini, moi. Parle-moi de ça, de l'audace. Alors, félicitations, Florence, et passe une excellente semaine. T'es fin. Ah, c'était lundi soir le matin et la chronique par hors pair, je pense, parce qu'elle n'a pas de pair, elle n'a pas d'autre pareil comme ça. Il n'y en a pas d'autre chronique d'improvisation comme celle-là. Gabriel Boutantrain-Houd sur le terrain, on est toujours avec Gabriel B. Houd, son acolyte, en studio, ici en direct, pour parler du match d'hier soir qui avait lieu entre les Bleus et les Oranges. Ben oui, c'était un excellent match, c'était vraiment le fun. C'est très excitant de co-animer avec toi, entre autres. Oui. Pour voir le bain du plaisir. J'ai pris des petites notes, Mathieu, quant au score. Puis, arrête-moi ça. J'oublie tout le temps d'amener mes notes, moi. Mais toi, le score, tu l'as avec toi. C'est simple demain. Ça a fini 11-4 pour les Oranges, Mathieu. Ouais. Ben, tout le long du match, on se disait les Oranges vont gagner, les Oranges vont gagner. Ça n'arrêtait pas, c'était Oranges par-dessus Oranges. Mais il a dû, mon gré, s'est donné dans les pénalités, ce qui a donné des points à l'autre en plus. Oui, puis... certainement. Ben, il y a eu. Moi, j'aimerais t'interrompre. J'aimerais que tu me parles des dessins sur. Ouais, c'est vrai, c'est quoi tes dessins? Sur ta feuille, ouais. Un éléphant, hein? Un éléphant, c'est ça. Ouais. C'est des coqs. Des coqs? Ah, c'est des coqs, oh boy. C'est ce genre de coq-là que je pense. Bon. Okay. Ouais, fait que donc, pénalité, mais il y en a eu beaucoup. Il y a des pénalités pour retard de jeu, des pénalités de non-respect de la carte thème, mais c'est donné à cœur joie plusieurs fois là, tout au long de la soirée. Il y a eu une procédure illégale de Nadia Transmontagne qui a répliqué une fille du public. C'était somptueux comme intervention. Oui. Cependant, seulement les capitaines peuvent intervenir lors d'une pénalité. T'as raison. Il y a tout le temps une fille, on va le dire, on va mettre les gens dans le contexte. Pour ceux qui viennent pas les lundis soirs à la lutte, il y a un groupe de gens, un noyau, qui fait beaucoup de bruit, mais pas dans le bon sens. C'est un peu... les gens sont partagés. Ils crient beaucoup et rient pendant les improvisations, donc c'est en lien avec l'improvisation, mais des fois, ça peut être un petit peu agaçant pour certains. Oui, mais en même temps, ils sont toujours là, puis c'est un bon public. C'est ça. C'est comme un état à double tranchant. Exactement. Et je leur ai parlé après le match, moi-même, en tant qu'animateur, et je leur disais qu'on riait d'eux avec amour et de continuer de nous aimer comme ça. On aime ça, ce genre de choses-là, mais des fois, certains, ça les agace. Puis qu'est-ce qu'ils ont répondu? Ah, ils sont bien... Ils étaient saouls, probablement. La fille, c'est une fille. Ils étaient saouls. Bon. Fait que c'est correct. T'sais, on l'aime. Mais t'es saoul complètement. Elle a failli rentrer dans le mur des toilettes. T'sais. Mais pour elle... Il y a pas de porte aux toilettes en passant. C'est juste un corridor. Elle rentre dans le mur, quasiment. T'sais. Mais t'es saoul. Bon, ben, c'est le fun de savoir que les gens s'amusent. Ben, c'est ça. À la lutte. C'est le fun de voir que les gens encouragent la Chasse-Galerie qui nous héberge pour les matchs de la lutte aussi. Oui, certainement. Faut le dire. Ouais, mais la Chasse-Galerie est... une fois encore, hier, c'était bien, bien plein. Donc, on est vraiment contents du public, là, mine de rien. Vraiment, vraiment. C'est mis à part, mais pour discuter un peu du match, c'était un match fabuleux. Dans le fond, les étoiles ont été décernées à M. Zwicky et puis du côté des Bleus. Lortie. Oui. Encore une fois. Donc, le couple est couronné. Le couple est couronné et le couple qui, encore une fois, a joué une improvisation de couple. Oui, c'était... Totalement basé, j'imagine, sur un fait vécu. Sûrement, un couple ronfleur. Tout à fait, ça peut pas avoir d'autre chose que des situations. Quelle situation de couple que tout le monde a déjà vécu au moins une fois dans sa vie. T'sais. Et c'est comme ça que j'ai fini le sketch en disant qu'est-ce qui est pire, un couple qui ronfle ou une fille qui est beaucoup trop fort pendant l'impro? On sait pas, tu sais. On sait pas. Mais avec amour. Donc, ça, c'était le match d'hier soir entre les Bleus et les Oranges. Le prochain match régulier. C'est dans deux semaines. C'est dans deux semaines. Mais avant ça... Il y a un match irrégulier, comme les polygones. Ah oui! Polygone qui est un Pokémon. Non. C'est pas Polygon? Oui. Ouais. Oh, le ouais. Pokémon Lec personnel, là. Il est genre bleu rose, poudre pis rose bonbon. Il est comme un nez bleu poudre pis il est fait en forme géométrique. Ouais. En polygone. Ouais. Mais ce qui va être utilisé dans le match de la Poké 8 qui va avoir lieu. Et là, on m'a pas encore confirmé qu'on avait le droit de dire l'endroit, mais étant donné que tout le monde me disait, tout le monde le savait, on va s'aventurer en disant qu'il va y avoir un match sous le dôme, c'est fou. Oui. Lundi prochain, 20h. Match Poké 8. Ça va être extraordinaire. C'est sur le campus, ça, le dôme, hein, Mathieu? Le dôme sera... et là, encore une fois, je peux pas tout dire parce que je sais pas qu'est-ce qu'il disait... qu'est-ce qu'on peut dire en nombre, hein? Voilà. Mais c'est sur le campus derrière ou devant, dépendant de quel bord vous vous situez, de la Chasse-Galerie, que ça va avoir lieu. Mm-hmm. Un grand dôme chauffé. Ça, vous l'avez entendu parce que la page Le Dôme, c'est fou. Ouais. La page de C'est fou partage déjà le sujet du dôme. Hashtag dôme, c'est fou. Hein? Et puis ça va être chauffé, il va y avoir des spectacles de musique les 17, 18 et 19 mars prochains sur le campus. Et le lundi, qui est juste avant que les spectacles de musique commencent, il va y avoir à 20h un match de la Poké 8. Et ça, c'est un match qui est pour la deuxième année consécutive. Mm-hmm. Un match que maintenant les gens attendent. Ah oui, ben la Poké 8, là, c'est un concept qui est fabuleux. En fait, il y a 4 entraîneurs de Pokémon. Ouais. Dont on ne connaît pas l'identité. On sait pas c'est qui. Pas du tout. Même les gens qui vont jouer ont aucune idée de non. qui est leur entraîneur. Les joueurs se font recruter et peuvent dire oui ou non à un capitaine, un entraîneur. Et après ça, une fois rendu au match, ils vont savoir « Ah, crime, c'était telle personne qui me l'avait demandé. » Oui, puis ben là, une fois rendu au match, les improvisations sont faites sous forme d'un peu combat de Pokémon. Ouais. En fait, là, il n'y aura pas de « J'utilise flamme! » Il n'y aura pas de ce genre de truc. Ben, il peut avoir ce genre de truc. Mais ça va être « Je vais utiliser la joueuse... » C'est ça, c'est plus ça. C'est que c'est comme si les joueurs étaient des Pokémon. Donc, pour telle improvisation, je vais envoyer mon arme secrète. Et puis, tel joueur va affronter tel joueur. Et puis, l'issue du match sera décidée par le public. Voilà. Qui décide quel Pokémon survit. L'autre Pokémon, on le brûle. Vivant. Non, l'autre Pokémon... éliminé pour le reste exact, du match. L'autre Pokémon ne peut plus jouer, dans le fond, pour le reste du match. Et puis, le grand gagnant, c'est l'entraîneur qui termine avec des Pokémon. C'est ça. Et je crois qu'il y a 4 joueurs par entraîneur. Oui, certainement. Donc, 4 joueurs, ça veut dire que 3 doivent être éliminés. Mm-hmm. Puis, il y en a juste un ou ça dépend. Si les 4 pourraient être éliminés, ça élimine exact, l'entraîneur aussi. C'est en plein ça. OK, je comprends. Dans le fond, tu peux être sorti du tournoi de la Poké 8 à partir du moment où tu n'as plus Pokémon. C'est ça. Donc, dans America's Got Talent, là. Ouais, genre, mais avec des Pokémon, pas Pokémon. C'est ça. Puis il n'y aura pas. C'est-tu dans America's Got Talent qu'il y avait le Howard Stern. Ouais, il est rendu là, lui. Lui, ouais. Je comprends pas qu'il soit rendu là. Il est super vulgaire. Ouais, il fait ses autres affaires aussi. Là, parce que quand il était du talent à revendre, là, il fait son genre, mainstream. Là, c'est ouais, ça. C'est ça, il est correct. Pis il est pas trop trash. Il cache les gros chèques. Là, c'est ça, exactement. D'après moi, c'est pour ça. En tout cas, bref. Donc, Poké 8, dans une arène chauffée, oui. Ça va vraiment avoir l'air là, d'une espèce de match de la UFC. Là. Ah, ça va être assez cool. Là, ça va se battre. Il y a tellement de. Il y a plusieurs, si je me rappelle bien, au moins une centaine et plus de gens qui peuvent entrer dans le dôme. Ouais. Quelque donc, chose comme. C'est quand même assez gros. Donc, notre public habituel là, qui vient en chasse, là, vous allez voir, il va avoir une indication pour vous rendre. Au don. Tout à fait. Ça va être un match payant, on doit le dire. Oui. Mais un petit montant, quelque chose comme 2-3 piastres. C'est ça, ça devrait pas excéder là, les 3$, 3-4$ maximum, gros max. Ça risque d'être en dessous de ça. Là. C'est ça. Fait que, si vous êtes capable de venir gratuitement prendre une bière à 4 piastres, hein, vous êtes capable de. Est-ce qu'il risque d'avoir de la consommation d'alcool sur le don? Ça, je ne sais pas encore. Ça m'a pas été. Ce film n'a pas été. Parce que moi, hier, on m'a demandé ça aussi, puis là, j'ai comme pas fait mon. J'avoue que pas d'alcool, c'est un peu plus plate. Hein? Ouais, ben, c'est pas plus plate parce que, hey, il y a de l'impro. Ben, mais c'est ça. C'est tout le temps le fun, tu as une petite bière. Exactement, ça met dans le mood. Ben, certainement. Mais bon, ça, c'est des facteurs additionnels qui seront dévoilés à travers les journées exactement. Du lundi prochain. Ça va être donc lundi, le 16 mars à 20h. Ah oui, donc vous pouvez liker la page Chez Fou et la page de la Luître. Donc, à faire les ça, vous avez deux fois plus de chances d'avoir des infos sur l'événement. Exactement. Ça, c'est les informations qu'on a pour ça. On va se reparler, évidemment, lundi prochain. Ah ouais. Mais après ça, l'autre semaine, ça va être le dernier match régulier, le 23 oui. mars. Oui, oui, le 23 mars. Des Oranges contre les Verts. Les Oranges qui jouent deux fois de suite. Yes. Deux matchs réguliers de suite. Oui, oui. Ils vont pogner les Verts, qui est l'équipe en tête de classement. Tout à fait, ça va être un très, très fort match. L'équipe d'Antoine Lacasse, oui. Les Verts. Et puis après ça, là, on va entrer dans les séries éliminatoires. Ah, ça va être la fun. Les playoffs, là, j'ai l'impression que ça va être la fièvre printanière. Oui, même si, comme on dit dans la capsule lundi soir le matin, c'est pas mal juste un match régulier. Mais... Ouais, en fait, c'est ça. Ben, On va faire un petit secret là, à l'8, il y a 4 équipes. Les 4 toutes jouent. Les équipes font les playoffs. Là. C'est c'est arrangé avec le gars des ouais. Des Monsieur bon. Vu. Monsieur Vu. C'est ça. Sinon, parle de ça ta semaine. Hey Mathieu, tu sais pas qu'est-ce qui s'en vient? Arrête donc. Parler de ma semaine, mais pas ma semaine 7, l'autre. On pourrait s'en jaser, si tu veux. Il y a la Coupe universitaire d'improvisation. La Coupe universitaire. Ça, c'est genre mi-mars. C'est le 20 au 22 mars. C'est ça. Et ça, il y a un noyau de gens de la LUIT qui vont être envoyés là-bas. Est-ce qu'on a les noms? Ben, je peux te nommer toute l'équipe, si tu veux. J'aimerais ça. Ben, dans le fond, il y a Frédéric Bernard, okay. Philippe Grenier, Vanessa Fortier, moi-même, Magali Brousseau-Arcan, ainsi que Nadia Tranche-Montagne. Wow! Donc, on sera aussi probablement coaché, là, ça reste à confirmer, par Vincent Rainville, qui est capitaine de l'équipe des Bleus. Cool. Donc, ça devrait être une belle équipe. Gros party d'improvisation, c'est encore la Coupe universitaire d'improvisation, c'est toutes les équipes majeures d'improvisation au Québec qui s'affrontent. Oui, ouais, certainement. Donc, c'est à l'ETS cette année à Montréal. Ça devrait être assez plaisant. Mm-hmm. Chaque université peut envoyer une équipe de sa ligue. Et puis, ben c'est ça, là. Chacun, on est assuré de jouer 3 matchs. Donc, on risque de jouer contre des gens qu'on n'a jamais vus de notre vie. Ah, oui. Ce qui est très plaisant. Et aussi contre des gens contre qui vous avez joué, peut-être des équipes qui sont même venues nous affronter, le King de Québec. Mm-hmm. Des trucs comme ça qui pourraient participer à ça. Mais je pense que c'est universitaire, c'est les ligues. C'est juste universitaire, excuse-moi. Mais je suis pas sûr et certain. Okay, okay. Mais oui, il me semble que c'est seulement universitaire. C'est donc, faut être une équipe appartenant à une ligue universitaire. D'accord. Mais on s'en parlait la semaine prochaine, lundi. Ouais. Ça va être la semaine juste avant le... C'est ça, on va être le 17. Ben, mardi prochain, ça va être le lendemain du fameux dôme. Du fameux dôme! On pourra se parler de ça, génial. Mais moi, c'est sûr, je voulais savoir ton émission pour enfants préférée à part Pokémon, mettons. Mon émission pour enfants préférée? Pas maintenant. Ben, ça peut être aussi maintenant. Ben, moi, j'aimais bien Bob l'éponge. Puis même encore aujourd'hui, j'adore encore Bob l'éponge. Le film, qu'est-ce que t'en penses? Tu allais voir ça? Ça malade mental. Ouais. Ah, le film en 3D? Le nouveau, là? Ouais. Non, j'ai pas vu en 3D. Okay. J'ai vu le vieux film, là, où il y avait... Un autre de mes idoles que je trouve vraiment farfelu, c'est David Hasselhoff. Et où on le voyait un moment donné, puis Patrick et Bob étaient entre ses omoplates, comme sur un dauphin. C'était magique. C'était de toute beauté. Bob. Vous autres, c'est quoi votre émission? Moi, quand j'étais petite, là, j'étais complètement obsédée par Boumbo. Ah, ouais. Pour ça, Télé-Québec. Boumbo, la petite voiture jaune, ouais. Je capotais bien raide. Moi, j'ai toujours été old school dans mes dessins animés. Ça a toujours été les Roadrunners, puis les... Ouais, c'est moi ça j'adorais. Les Tom et Jerry. Tu sais, je suis très vintage dans mes dessins animés. Moi, j'avais Canal Famille. Fait que j'écoutais Canal Famille. J'écoutais plein d'affaires que d'autres mondes n'écoutaient pas. Oscar et les cafards? Non, c'est pas... Attends un peu. Oggy et les cafards. Oggy. Hey, allô? Si tu veux dire des références, là... Excusez, mais ça, c'était bizarre un peu. Je les ai chez nous, j'ai écouté ça comme l'année passée. C'est très bon, ça. C'est écœur, ouais. Mais j'étais un peu plus vieille, fait que moi, je considère pas ça comme quand j'étais petite, là. C'est ça. Megabug. Alors, ça, c'était... Hey, ça, j'ai tellement adoré ça! Oh, mon Dieu! Moi, là, mais on s'entend-tu que j'osais pas de ça avec mes amis de filles, hein? Megabug. Avec le genre de seule de fille écouter ça. Ouais. Le genre de patente à glace au poignet qui pouvait se transformer en n'importe quoi. Eh hey, oui, c'était malade, oui, ça, oui. Mais c'est quoi l'autre affaire qu'on a fait dans le c'était pas un bracelet, genre, puis je sais pas trop quoi, puis il rentrait dans, il devenait comme un auto, genre, c'était pas un sac à dos qui changeait en auto. Ouais, ben il y avait la chicks comme verte, le monsieur bleu avec les cheveux en argent, le gars là qui avait comme une calotte avec une hélice dessus. Ouais. Ouais. Mais Megabug, c'était le méchant dans cette histoire-là. C'était... Megabug, c'était-tu quelqu'un dans l'émission? Non. Non, c'est juste un nom en français. C'est ouais, Reboot. Ouais, c'est ça, c'est Reboot. Il y avait Hexadécimal qui était pas fine. Ouais. Dot. C'était comme la. Dot, ça, c'est la fille verte. La gentille fille verte. Ouais. Les autres, je me souviens pas de leur nom. Non. Mais ça, c'est pas pire. J'aimais bien cette émission-là. Ça revient, ça, tu sais. Ah, ils vont revenir. C'est vrai? Ah, oh, j'ai vu ça. Oui, c'est vrai. C'est mm-hmm. Ouais. Mais sinon, c'est ça, Pokémon. L'affaire, là, c'est que Pokémon, là, il l'a sur Netflix. Là. Tu sais, Pokémon avant que ça recommence, que le combat Pokélute arrive. Oh oui. T'en as pour. Commence là. Ben j'arrête pas. Là. Moi, j'aurais peut-être une petite émission à suggérer de bord de Pokémon. OK. Celle avec la gang de Squirtle. J'ai rarement vu de quoi de drôle comme ça. Le nom Squirtle, c'est tout... ça, ça, drôle. Oui, First. Puis deuxièmement, c'est toutes des petits bums qui se promènent avec des lunettes soleil et qui foutent la merde. C'est tellement drôle. C'est des Pokémon, mais ils décident qu'ils foutent la merde. Ils brisent des choses, ils intimident des gens. C'est mais je l'avais drôle. Cherché, je voulais l'écouter en français, mais la seule version française que je pogne, c'est justement la version française avec, de France. Avec les autres noms de personnages. Ouais, c'est ça. Moi, puis Carapuce, là, ça me turn off. Ah, c'est laid. C'est laid. C'est dégueulasse. Vraiment pas beau, ça. De toute façon, Ash s'appelle Sacha. Fait que ah, wesh. Non. Tu sais, dès le départ, là, dès que tu commences à l'écouter. Parce qu'en tant que tel, je pense que je lisais la page Wikipédia comme un loser l'année passée après Prélude. Puis c'est les mêmes voix. C'est les mêmes gens qui font le doublage pendant certaines saisons, sauf qu'ils ont juste refait, juste doublé les noms des personnages pour c'est la version québécoise. J'ai lu sur Wikipédia. Uh-huh. Qu'est-ce que ça vaut, je sais pas. Mais c'est les mêmes doublages, juste avec les noms changés. Mon Dieu Seigneur. Parce qu'il n'y a pas d'accent français, en fait. Non, c'est international. C'est ça. C'est juste qu'ils ont changé les noms. Les noms, ben, parce qu'au Québec, ils sont appelés à le nom d'origine anglais, mais prononcé en d'origine... français. D'origine. Non. Ouais, non, pas d'origine. T'as de raison, traduction c'est ça. Anglaise. T'as raison. C'est d'origine japonaise. D'origine japonaise. Je le savais pourtant. C'est quoi le nom en. Pikachu, c'est probablement japonais, ça, j'imagine. Parce que Pikachu probablement que c'est resté. C'est Squirtle, on s'entend que ça a un peu rapport avec des fusils à l'eau, puis il y a peut-être autre chose. Ouais, c'est ça, on pense. Autre chose. Mais Pikachu. Ouais, c'est vrai que c'est Pikachu, ça sonne déjà japonais. Mm-hmm. Ouais. Bref, tapez-vous ça sur Netflix ou sur peu importe où vous prenez vos émissions en français de Pokémon. Et Gotta Gag Them All, on s'entend que comme slogan, ça fait un petit peu comme si on devait étrangler quelqu'un. Hein? Oui. Gotta Gag Them All. C'est le slogan français de la Poké-Huître. On est mal. Bref, Gabriel Béhoud, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. On se retrouve mardi prochain à 8h. Oui, même pas. Pour une autre collègue dans les coulisses de la Huître. Mm-hmm. Merci, bonne donc, journée. On... Bye. Donc, on bye. Et puis, comme on dit, va-t'en. Hein? Parce qu'on doit accueillir Myriam Lortie qui s'en vient. Ben oui! Oui, Myriam Lortie! On a trop de contenu. C'est notre Pokémon journalistique, de politique, éthique, journalistique, éditoriale. Dans quelques instants, la chronique sur le campus. Et restez là parce qu'après ça, dans une demi-heure environ, c'est Master Steph. À son magique. Changement. Vous êtes dans la zone 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Nous voilà de retour à Assemblage requis en ce mardi 10 mars 2015 et Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. On a échangé un joueur de la lutte pour un autre, mais... Pas dans le même objectif. C'est ça, pas dans le même genre, mettons. Pas dans le même sexe. Pas la même sorte de poil, mettons. Il y a beaucoup de barbe. Il y a beaucoup de barbe, Gabriel Béhoud. Et Myriam Lortie n'a aucune barbe. Fait que c'est comme le contraire, exact. C'est vrai, elle a vraiment aucune barbe. Aucune. Voici la chronique du journal Zone Campus. Zone Campus, offert gratuitement à l'UQTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Zone Campus... Un journal qui frappe. Watchy, watchy, watcha. C'est la chronique du journal Zone Campus. On accueille la rédactrice en chef, Myriam Lortie. Bon matin. Bon matin. Ça va? Ah, ça va bien, là. Ah oui, après la luître hier soir où on se couche tard. Mais c'est parce que quand on joue, en plus, là, tu peux pas sortir d'un match puis dire bon, ben, bonne nuit, gang. Tu sais, bon, faut que tu décantes un petit peu. Ouais. Mais c'est le fun. Ça fait du bien, l'impro, là. Puis là, ça achève en plus, là. Il y a comme une fébrilité. Tellement. De plus. Hey, je pense en plus que tu te rends en finale, comme on a dit tantôt, tout le oui, monde se rend. Je vous écoutais. C'est ça. C'est ça le secret de la lutte. C'est la sauce, le secret de la sauce. C'est comme le hockey Timbits, comme dirait Alexandre. Tout le monde gagne. C'est vrai, et on n'est pas là pour gagner, on est là pour participer. Donc, journée sur le campus, c'est le numéro 13, le numéro chanceux du volume 10 qui sort là. Et on retrouve en couverture, pour la première fois de l'année scolaire, ben là, du sport. Oui. Le hockey. Le hockey. Pour le dire, est-ce qu'on fait le hockey à la toute fin? J'imagine qu'on fait non, ça. Non, je vais le faire tout de suite parce que c'est important. Puis là, en plus, je vais même expliquer comment ça se passe parce que moi, je suis mêlée dans les ligues puis tout ça. Ouais. Sauf que c'est tout démêlé. C'est ça la beauté. Ah, vive le volcan plus. Les hein. Patriotes de hockey, là, dans le fond, là, il y a comme trois grandes ligues là, au Canada. Puis t'as comme Ouest, Ontario puis Maritime. Okay. Puis les Patriotes jouent avec l'Ontario. Puis là, dernièrement, il y avait la Coupe Queen, qui est la Coupe de l'Ontario. Ouais. Et là, ils se sont rendus en finale. C'était un 2-3, puis ils ont gagné... Non, pour se rendre en finale, ils ont gagné deux matchs consécutifs sur les trois qui devaient jouer contre McGill. Donc, ils se sont rendus en finale contre les Griffons de Guelph. Je sais pas si c'est où Guelph, c'est en Ontario, oui. Mais je ne suis jamais allée à Guelph. OK. Et donc, ils ont perdu, par exemple, en finale de la Coupe Queen. Mais la bonne nouvelle, c'est que là, vendredi qui vient, là, ils s'en vont au championnat canadien. Et ça, c'est les 8 meilleures équipes universitaires au pays. Donc, c'est quand même excitant, un peu comme une série d'improvisation. Et dans le fond, là, la formule cette année, c'est que les équipes n'ont pas le choix de gagner pour rester en vie. C'est pas des 2-3. Donc, vendredi à 13h, s'ils gagnent, ils continuent. S'ils perdent, c'est terminé. Okay. Donc, c'est important. C'est, oui. Tu sais, quand t'as de la pression pour un match, c'est là. Donc, c'est à suivre. Mais c'est quand même impressionnant. Je dirais un peu comme Caroline Lapierre-Lemire qui s'était rendue aussi au championnat canadien dernièrement, qui avait terminé deuxième au pays. Tu sais, c'est toujours intéressant. Ça n'a pas fait la une, par contre. Alors, c'est pas vrai. Donc, on commence les actualités du Zone Campus. On y va avec les élections générales de l'Association générale des étudiants. Il y a eu 13 candidatures officiellement reçues pour les postes à combler en ce moment. Oui. Ben dans le fond, le 27 février, c'était la fin de la mise en candidature. Là, il y en a eu 13. L'objectif était de 18, sauf qu'ils sont quand même satisfaits parce que c'est quand même 4 de plus que l'an passé. Là, il y a le débat qui s'en vient le 23, c'est un lundi, le 23 mars à la Chasse-Galerie. Et là, il va y avoir une liste de questions pour les candidats et le public va aussi pouvoir poser des questions. Puis ils vont être... c'est pas tous les candidats qui vont être tous en même temps sur la scène. Ils vont être séparés par poste. Okay. Et ben pour faire un petit topo des candidatures reçues, là il y a Mathieu Roy qui ne peut pas se représenter à la présidence. Il a complété 3 mandats au sein de l'AGE. Il y a une personne qui se présente à la présidence, c'est Jean-François Chapdelaine, qui est quand même assez impliqué, qui a gagné d'ailleurs UQTR en spectacle dernièrement. Ça va bien pour lui, j'imagine. Ouais. Bref, il n'est pas encore élu, mais il se présente. Jean-René Leblanc et Jonathan Clermont se présentent au poste de secrétariat général. Jean-René Leblanc qui est en ce moment VP sociopolitique par intérim. Myriam Beauchamp qui est en ce moment à la vie associative campus. Mais on ne sait pas parce qu'elle a remplacé quelqu'un d'autre, donc ça s'est fait sans le processus électoral la dernière fois. Là. Non. Son nom ne dit absolument rien. Ben ça se fait toujours dans le processus électoral, même s'il remplace quelqu'un. OK, sauf que ça se fait pas en public, genre. Oui, c'est ça. Pendant l'année, ils font les élections, mais en CA. OK, c'est bon. Et elle se présente aux finances et développement. Bourdon, comment? Ouais, Monsieur Bourdon. Christian Bourdon. Merci. Lui, je pense qu'il a fini ses études. Qui est en ce moment au poste de finances. Cathy Simon, qui est en ce moment aux communications, se présente aux affaires socioculturelles. Au poste de vie associative et environnement, on a David Redmond, Marc-Olivier Dumas et Archange Codeau. Wow, un gros poste convoité. 3 personnes que je ne connais pas. Et communication, Chloé Cano, qui est journaliste aux Zones Campus. Elle ne couvre plus les élections en ce moment. Non, si ben là, elle ne peut plus. Hein? C'est ça. Et donc elle va nous quitter si elle est élue. Alexandre Nana, qui se présente comme aux affaires académiques de cycle supérieur. Et aux affaires académiques de premier cycle, on a Alexandre Deschâtelet, Noémie Bélanger et Nick Harold. 3 personnes non plus que je ne connais pas. Et VP aux affaires sociopolitiques, aucune candidature. Ah non! Fait que peut-être ça démontre la mobilisation étudiante ces temps-ci, ou peut-être un désillusionnement, je sais pas, de la part des étudiants avec tout ce qui se passe en politique et tout ça. Ouais. Donc, peut-être. Mais comme à chaque année, dans les semaines à venir, on va recevoir éventuellement les candidats aux élections de l'AGE. C'est ce qu'on fait à Assemblage requis chaque année. Ensuite, on a ton mot de la rédactrice qu'on n'a pas mentionné tantôt, mais ton petit mot qui s'appelle les petits pots. Oui, ben. C'est un petit mot d'après relâche, de printemps, de surtout peut-être de fierté étudiante, puis d'un peu de justement de mobilisation, puis de fébrilité. Mm-hmm. Il y a comme plein de séries qui s'en viennent, il y a le Dôme, moi je me sens comme un gros sentiment d'appartenance à l'UQTR. Cool. Voilà. Voilà, donc c'est là-dessus en page 2. Il y a un service gratuit de navette pour vous amener de l'UQTR à l'épicerie du coin. L'épicerie du coin étant Provigo. Oui, oui, on peut le dire, mais c'est une des épiceries du coin. Et depuis le 20... Non, ça a été annoncé le 21 février dernier et ça commençait hier soir. Dans le fond, tous les lundis soirs jusqu'à la fin de la session, de 17h à 21h, il va y avoir une navette à chaque 30... Ben, qui fait la rotation, là, ou 30 minutes, et qui amène de l'UQTR à... Cette épicerie-là, tu sais, mettons? Oui. Mmh. Ben, on peut ouais, le nommer, ben, là, parce que de toute façon... Pas un grand fan de faire de la pub pour des compagnies qui n'achètent pas sur nos ondes, mais quand même, c'est Provigo, on va le dire. Oui, mais c'est parce que eux, les lundis soirs, ils ont des rabais étudiants. Mmh. Donc, c'est quand même avantageux. Et ils ont aussi approché Cégep Trois-Rivières puis Collège La Flèche. Donc, c'est... Il n'y a pas que l'UQTR qui va bénéficier de cette navette qui est gratuite, il faut dire. Bon. Si je ne me trompe pas, ça avait commencé cet été avec l'EIF qui avait offert la navette pour les étudiants. Bonne idée. D'après moi, l'idée elle vient de là, puis je trouve que c'est une bonne idée. Génial, là, hey, ben, oui. C'est vrai que ben, toi, tu n'as pas de voiture, là. C'est tannant traîner tes, ben oui. tes sacs. C'est ça. Pis c'est plate, là. Si t'es obligé de prendre un taxi pour venir, ça coûte quasiment le même prix de la livraison. Mmh. Fait, en tout cas. Exact. Ben, c'est vraiment une bonne initiative que l'AGE était très satisfait d'ailleurs qu'il se fasse approcher pour ça. Tout à fait. Première édition du Startup Weekend de Trois-Rivières, les entrepreneurs ont répondu à l'appel. Oui, c'était du 27 février au 1er mars. C'était pendant une fin de semaine complète. Il y a, dans le fond, les équipes. C'est la première fois que ça se tenait à Trois-Rivières. Ça s'est fait dans 120 pays jusqu'à maintenant. Et là, ils s'essayaient pour une première édition ici. Ils s'attendaient à avoir une cinquantaine de personnes. Ils ont reçu 67 participants, majoritairement des étudiants de l'UQTR. Et là, le vendredi soir, ils devaient présenter un projet. Il y en avait 10 qui étaient retenus. Ils étaient séparés en 10 équipes. Et là, toute la fin de semaine, ils travaillaient là-dessus. Puis le dimanche soir, ils présentaient. Puis l'équipe retenue se méritait un prix de, ben, dans le fond, d'une valeur de 10 000 qui inclut des services de cabinet d'avocat pour l'incorporation de la compagnie, services de fiscalité par un cabinet de comptable, un local gratuit avec Internet, puis tout ça, puis 3 000 en publicité. Donc, ça commence bien une entreprise. Fait que c'est pas juste un projet de fin de semaine, là. C'est vraiment comme un start-up. Oui. Puis là, après, ça continue. L'équipe qui a gagné, c'est Liste scolaire Éclair. Eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils proposent en Mauricie de rassembler toutes les listes de matériel scolaire pour les parents. Et là, le parent a juste à s'inscrire, à payer le montant que ça va coûter pour son enfant. Il va tout recevoir. Ouais. Il n'a pas besoin d'aller chez... à l'épicerie. À l'épicerie. Wow. À la pharmacie. Mais en tout cas, bref. Peu importe. C'est pire que moi, si on n'a pas mentionné les noms. N'importe où est-ce qu'ils achètent... les effets scolaires. Voilà. Et dans le fond, Il essayait pour la première fois cette année, puis si ça marchait bien, il voulait répéter l'expérience, mais là, vu le grand succès, c'est pas mal sûr qu'il va y avoir une autre édition à Trois-Rivières l'année prochaine. Startup Weekend. Ouais. C'était les Jeux de la Com la semaine passée. L'UQTR a récolté 4 médailles et a semé un peu la controverse. Oui, ben dans le fond, c'est 9 universités... 9 universités franco-canadiennes, c'est ça. C'est au Canada, mais francophone. Okay. Puis à chaque année, ça s'organise dans une université différente. Cette année, c'était à Trois-Rivières. Donc, on avait une délégation de Trois-Rivières plus un comité organisateur. Ça se déroulait ici. C'était du 4 au 8 mars pendant la semaine de relâche. Il y avait 13 épreuves. C'est 5 jours de compétition. Il y a 300 étudiants qui sont venus ici sur le campus. Et il y a l'Université Laval qui a remporté la compétition, suivie de l'Université du Québec à Montréal et l'Université de Montréal. L'UQTR est arrivé cinquième, mais a remporté 4 médailles. Une médaille d'or en gestion de communauté, Camille Montreuil. Écriture journalistique, médaille d'argent. Et médaille d'argent également pour relations publiques. Et débat oratoire a remporté une médaille de bronze. Ce qui est arrivé, c'est qu'il y avait une entente avec... en fait, dans le texte, ça le dit aussi, là, Martin Lambert, qui est conseiller ici, conseiller aux activités étudiantes, avait rencontré les chefs de chacune des délégations pour les avertir que il pourrait pas... Bon, pourrait pas y avoir d'alcool sur le campus pendant ces journées de festivités-là. On s'entend zéro que alcool. 300 universitaires... C'est difficile à respecter, mais... Et leur but est de faire la fête, en plus, à ces gens-là. Ben, tu sais, ça fait partie de... La tradition. Oui. Oui. Et, ben, pendant les épreuves, c'est quand même des épreuves sérieuses, mais autour, oui, ça fait partie de l'épreuve. pas de l'épreuve. Du plaisir qu'on a à faire les jeux de oui, la corde. Oui, et là, ben, bref, ils ont trouvé de l'alcool et l'entente était que s'ils trouvaient de l'alcool, c'était une entente qui avait été signée. Tous les chefs de délégation avaient été rencontrés début janvier, que c'était l'arrêt des jeux de la communication, des activités sur le campus. Ouais. Finalement, c'est ça, ils ont été avertis le vendredi soir. Ils avaient prévu un plan B. Donc, ils ont tout organisé pour la journée du samedi à l'hôtel au centre-ville, où est-ce qu'ils étaient pour la semaine. Et finalement, tout a bien été, à part ce petit incident-là. Fait que finalement, les Jeux n'ont pas arrêté. Là, le comité organisateur, pour eux, c'était donc, impensable. Donc, sachez-le, vous pouvez faire la même chose l'année prochaine. Ben, en fait, c'est de prévoir un plan B, là. Mais c'est vrai que c'est difficile là, de t'assurer qu'il y a 300 étudiants. Mais c'est ça que Martin Lambert disait, c'est pas pour déranger personne, c'est juste qu'ils n'ont pas les permis. Oui. T'as pas de permis pour boire de l'alcool. Tu sais, comme nous, si on sort de la chasse-galerie avec un verre, on n'a pas le droit à quelqu'un nous arrête. Exact. T'as pas le droit de consommer dans les pavillons. Fait que c'est avec la régie des alcools. C'est pas pour c'est l'université, pas la faute à l'université. Pour brimer le droit des festivités des étudiants. D'avoir du fun. On a parlé avec Sébastien Vigartin de son éditorial en début d'émission, donc lisez-le dans le journal. L'indépendance est-elle une bonne chose? Oui, puis un texte en page 2 aussi qui explique là, pour les associations nationales, des affiliations de la FECUM à la FEUC et tout ça. Oui. Il se passe des choses. Un sujet bien compliqué, mais quand même bien expliqué par Sébastien Vigartin. Ensuite, camp d'été scientifique CSI UQTR pour les enquêteurs en herbe. Tu vas y aller, Mathieu? Ben, ça me tente à maudit. CSI UQTR. Après CSI Miami, CSI, je sais pas quoi, New York. Ben, moi, je trouve ça quand même intéressant. Intéressant, là, de 11 ans à 15 ans, les enfants, c'est des ados. Les pré-ados, donc. Pré-ados. Pendant 5 jours, ils peuvent réaliser une enquête criminalistique pour élucider un crime. Puis c'est des professeurs et des étudiants du département de chimie, biochimie et physique qui donnent le camp. Puis, ben, c'est ça, là, ils se font des analyses d'ADN. Ils sont initiés à la microscopie, à l'étude des empreintes digitales, les études de pas, dépistage de diverses substances. Fait que ça a vraiment l'air le fun. Vraiment, pour vrai, c'est super cool. Ensuite, deux segments récurrents dans le journal. C'est la recherche à l'UQTR pour commencer avec l'énumération des polyominos serpents. Oui, ben on avait eu personne à la maîtrise en mathématiques, puis je dois avouer que ça nous intriguait beaucoup. Tu sais, on est beaucoup de gens en communication, là. Là, on élargit notre... puis on va vers des zones grises pour nous, là. Les polyominos serpents, là, c'est comme quand tu joues à Tetris, là, c'est comme les petites formes carrées qui peuvent avoir vraiment beaucoup de formes différentes, ouais. Là. Mais lui, tu sais, il compte ça. OK. Wow! Ben, ça s'appelle des polyominos. Et c'est Jérôme de Wouters, je sais pas, c'est W-O-U. Il est d'origine belge et il fait sa maîtrise ici en mathématiques, chose que je trouve très admirable. Oui, il dit faire de la recherche en mathématiques, c'est plaisant puisque tu fais des mathématiques pour faire des mathématiques. C'est ça, lui c'est pas... voilà. C'est ça, ça prend un certain niveau d'intelligence que je ne possède pas. Et l'autre segment récurrent, c'est anciens étudiants, que sont-ils devenus? Et on parle avec quelqu'un en toxicomanie, travailler pour l'humain. Oui, mais souvent, on essaie aussi de montrer des parcours qui sont pas nécessairement en ligne droite parce que je trouve que c'est représentatif de la réalité. Puis c'est encourageant aussi. C'est Mathieu Boisvert qui, lui, son rêve, c'était de devenir policier. Il a eu des problèmes aux yeux, donc il s'est tourné vers la psychologie. Et là, il travaille comme intervenant en toxicomanie. Et pour lui, c'était vraiment de travailler avec l'humain, chose qu'il voulait faire en police, comme policier, mais qui retrouve aussi dans le domaine de la psychologie. Super. Dans un centre jeunesse, je pense. OK. Et une chronique pour terminer la section actualité, c'est toujours l'actualité démystifiée qui nous parle de M. Bolduc et la fouille à nu. Oui. Ben, je peux vous lire son lead. Les déboires des ministres libéraux n'ont pas fini de faire couler de l'encre. S'il est de notoriété publique que le ministre Barrette peine bien souvent à se tenir éloigné du scandale, c'est toutefois au tour du ministre Bolduc d'oublier de tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Ben là, on se rappelle de sa déclaration sur les fouilles à nu avec les étudiants. Donc, on a une étudiante qui nous partage son point de vue sur la fouille à nu. On passe en société, on a toujours 5 chroniques là-dedans. Pour débuter, c'est Kevin Gaudreau. Et entre les deux pôles, sur la panique, le sommet de la peur. Oui, l'anxiété en dose raisonnable est d'une utilité face à différentes situations, entraînement, préparation, performance, préparation à une game d'impro. Ça, c'est moi qui le rajoute. Oui. Elle a également été importante pour l'humanité au travers des époques, car c'est entre autres à partir de celle-ci que les ancêtres se sont protégés face aux menaces. Puis là, il nous parle que l'anxiété, finalement, là, c'est souvent... Normalement, quand dans nos ancêtres, là, il y avait un lion devant eux, ben il y a un stress qui arrive. Sauf qu'aujourd'hui, l'anxiété, c'est comme si ce stress-là reste collé, même si le lion n'est plus là. Oui, oui. On parle toujours de religion dans le monde en question avec Jocelyn Aubu et Sheila Goudreau, une arme de destruction massive pour l'État islamique. Oui, toujours une réflexion. Oui, mais c'est parce que je lirai pas le premier paragraphe parce qu'il est pas représentatif de la chronique, okay. Mais vous irez la lire. Ouais, bref, ça parle de Dieu. Bon. Christina Monfait-Fortin maintenant dans l'art de monter de mayonnaise et autres propos comestibles. Son titre, c'est de saison en saison. Oui, ben ce qu'elle nous parle, c'est de un peu de folklore, de cabane à sucre et tout ça. Donc elle dit « Je suis pas une adepte de la musique traditionnelle dans laquelle le folklore de la chasse-galerie et d'Alexis le trotteur se mêle à des reels sans fin. Je vis le même malaise face aux soirées de conte. Je m'explique mal cette mauvaise foi culturelle. Il faut croire que je préfère lire les mémoires de Louis Fréchette plutôt que d'entendre un barbu en ceinture fléchée me remâcher l'histoire d'un Joe violon édulcoré. Toutefois, à l'approche de l'équinoxe du printemps, j'ai l'atavisme qui se réveille. Je me ferai le chantre de nos terroirs majestueux, de nos traditions. Je sonne comme un album de mes aïeux. Paradoxe quand il nous tient. Et on brasse des idées comme toujours avec Normand Leclerc d'en changer la vie. Il nous parle de la fête internationale des hommes. Oui, mais c'était la fête internationale de la femme dimanche. Mais il y avait une marche samedi au centre-ville. Dimanche. Et lui, finalement, c'est pas pour proposer une fête internationale des hommes. C'est l'impression que ça donne dans le titre, mais c'est pas vraiment. C'est l'impression, ça. Mais sa chronique porte plus sur une réflexion sur ce qu'est l'homme aujourd'hui. Et Normand Leclerc, c'est un chroniqueur de l'Université du Troisième Âge. Mmh. Donc, souvent, il y a un point de vue d'une autre génération. Ouais. Et moi, quand je le lis, souvent, justement, je me rends compte que les générations changent. Et dans ce cas-ci, c'est particulièrement intéressant de voir sa conception de l'homme et de voir que les choses ont changé aussi. Mmh. Et pour terminer, dans Je me souviens au pouvoir citoyen, c'est Métal dans le sang, Jean-François Veilleux qui nous parle du Metal Fest et de la musique métal en général. Oui, les 20 et 21 mars, donc ça s'en vient. C'est pas personnellement quelque chose à quoi je vais assister. Ben non. Mais il faut être... Ouvert à la découverte. Exactement. Allez, on a un texte d'opinion de Samuel Girard. Hommage aux enseignants. Vous connaissez Samuel Girard de C'est fou. Il anime Génie en liberté les jeudis matin. Tout à fait. Tout à fait. Ben, hommage aux enseignants, je sais pas. Ça résume bien son texte d'opinion. En art et spectacle, maintenant, on débute avec la première édition du Dôme. C'est fou. 3 soirs de festivités sous le Dôme. Oui, ben, ça sent bien, là. C'est semaine prochaine. Semaine prochaine, ça commence. Dans le fond, le Dôme va être là toute la semaine. Ouais. Il y a le Poké l'huître que... dont on a parlé tantôt avec Gabriel Béhoud, le lundi c'est soir. C'est ça, la chronique juste avant. Poké l'huître, en plus, ça va être un match Pokémon. Et ensuite, ben c'est ça, il y a 3 soirs de festivités. Premier soir, on a À la claire ensemble, un groupe de Québec, si je ne me trompe pas. Loud Larry Adjust. Le deuxième soir, on a Beat Market, puis un groupe que Mathieu aime beaucoup. Oui, Artist of the Year. J'adore. Il va être là. C'est quand? C'est le mercredi, ça? C'est le mercredi soir. Et le dernier soir, pour clôturer les festivités, il y a Millimétrique et Qualité Motel, qui est un projet parallèle de Mister Valère, si je ne me trompe pas. Exact. Ça va être 7$ pour les étudiants par soir, ce qui revient quand même pas cher pour 2 spectacles et la chance de bénéficier d'un dôme. C'est qui n'arrive pas souvent dans dôme une vie. Dôme chauffé, hein. Oui, mais moi, là, je suis vraiment impressionnée. Ouais, c'est quand même cool. C'est ça le fun. Mais puis les billets sont en vente sur Internet, mais je pense que c'est comme 150 places. Là. C'est pas beaucoup plus gros en termes d'accueil, de capacité de personnes que la chasse-galerie. Fait qu'il faut quand même faire rapidement. Puis les non-étudiants qui veulent y aller, c'est 10$. OK, cool. Et le site pour réserver, c'est lepointdevente.com. Lepointdevente.com. Mais allez voir la page Facebook de C'est fou pour plus d'informations sur le Dôme C'est fou. Les Mardis de la Relève qui sont de retour pour une 18e édition, Myriam. Oui, ça commençait le 3 mars dernier, 18e édition. C'est 27 groupes québécois qui, pendant 13 semaines, vont tenter de remporter la grande finale. Il y a de nombreux prix qui totalisent comme 10 000 $ là. Puis aussi, les gagnants vont avoir la chance de s'insérer dans la programmation de la scène de la relève du Festivois. Comme les gagnants du QTR en spectacle, d'ailleurs. Et c'est ça. Puis dans le fond, la totalité, ce qu'il y a de différent cette année, c'est que les spectacles vont être diffusés sur les ondes de la télé communautaire puis dans certaines radios aussi, les spectacles de compétition, là, pas juste la finale. Donc, ça donne quand même une bonne visibilité pour les groupes qui participent. Ouais. Au Gambrinus, je sais pas si on l'avait dit. Tout à fait. Alors, on a une nouvelle série, en fait. Je sais pas si c'est le début de quelque chose de nouveau, mais ça commence, là, les soirées Comedy Club au Manchester, édition spéciale web. C'est ça. Moi, c'est la première fois là, que j'en entends parler. Donc, oui, c'est la première d'une série. On se souvient des Lundis de l'humour. Ouais. Donc, ça a l'air d'être des humoristes qui viennent. Là, c'était une édition spéciale web, entre autres Mathieu Bonin, de Petit Petit Gamin, petit, c'est petit ça? Petit Gamin, oui. Que j'aime beaucoup. Et qui... Non, mais c'est ça. Donc, et Nadia l'explique bien dans son article, il faut être un public averti pour... je sais pas pour les prochaines à venir, là, mais particulièrement ce soir-là, c'est souvent des blagues... 18 ans et plus. Oui. Détail en magasin. Vernissage à l'atelier presse-papier. Regardez-moi dans les yeux. Ça a l'air vraiment intriguant. Ça m'en a parlé un petit peu et ça m'a allumé. Oui, oui, j'avais envie d'en reparler parce que ça m'a intrigué cette exposition-là. C'est Héloïse Pagé-Plamondon qui présente son exposition Ève à presse-papier. Puis c'est comme des panneaux de coton fromage qu'elle fait comme de l'estampe là, avec je sais pas quel matériau, de l'encre ou je sais pas quoi. Mais ça imprime sur le c'est comme un genre coton de screen. Coton fromage, ouais. Mais c'est comme des... Mon Dieu, c'est dur à expliquer sans c'est image. C'est du visuel, mais ouais. Plein de panneaux de coton fromage suspendus un derrière l'autre. Ouais, mais pas avec la même chose exactement, ça donne un effet de profondeur. Oui, puis c'est tout un visage, mais pas exactement le même visage. Donc quand tu te mets dedans, t'as comme un effet 3D. Devant, t'as un effet 3D. Ouais. Puis tu te mets sur le côté, tu vois tous les panneaux. Puis ça crée un effet quand même mystérieux, spécial, je trouve. Ouais. Oui. Ah, puis c'est ça, c'était inspiré d'une phrase de... Ah, faut que je retrouve, là, mais qui disait que les humains sont comme des oignons. Oui. Que on veut arriver au cœur, sauf que finalement, c'est juste c'est une accumulation ça. De couches. Quand t'as. Il n'y a plus rien à la fin. Ouais, c'est juste ben des c'est couches. Une accumulation de couches qui forme un tout, qui ouais. forme les humains. C'est je très ça beau. Et en plus, c'est écrit par Marie-Christine Perras, qui est très bonne pour. Perras, excuse-moi, qui est très bonne pour imager les mots. Oui, puis cette phrase-là là, que je vous dis, là, pelure d'oignon, là, c'est de Gunther Grass. Ok, Gunther Gazon. Voilà. Parlons des chroniques maintenant dans le spectacle. On va les déclencher les quatre de suite. Commençons avec Félix-Antoine Désilet-Rousseau dans Les Lunettes du Frisé qui fait un hommage entre autres à Pierre Foglia. Oui, ben chroniqueur de la presse qui prend sa retraite et bon, donc il nous parle de ça. Puis en deuxième partie, il nous parle de la soirée cachée, c'est fou, qu'il y avait eu ici avec Philippe B. Et Philippe B. Ben oui, Philippe Braque aussi, mais surtout Philippe B, qui avait pas été beaucoup écouté dans la chasse-galerie, puis que les gens avaient un peu manqué de respect. Puis il nous parle aussi d'un spectacle qu'il avait vu de Alex Nevsky à Québec, qui est arrivé un peu la même chose. Puis il parle de la réaction des artistes quand arrive un Nevsky un avait été vraiment chien ça. Envers les gens du public, mettons. Oui, c'est ça, tandis que Philippe B avait beaucoup de classe, mais ça doit quand même être difficile pour un artiste, surtout que... c'est ça, tu sais, je pense que ta carrière va bien, mais c'est comme t'arrives ici, puis t'es personne, et personne t'écoute, là. Juste à l'impro, là, quand il y a quelqu'un qui parle, là, c'est vraiment dérangeant, on peut le dire à radio. Bon, là. On leur dit en public, aussi, c'est comme ça. Ensuite, Mange l'IM, la chronique littéraire de Camille Durand-Plourde, racontée inexplicable. Oui, elle nous parle du livre La Passion de Carlo, de Jean Laforêt, qui est un ancien professeur de littérature à l'Université de Sherbrooke. Puis, c'est un livre autobiographique. C'est pas une fiction qui raconte la double vie et le suicide de son fils unique. Donc, ça fait en sorte que critiquer un livre comme ça, c'est peut-être plus délicat quand tu sais que c'est pas une fiction. Donc, elle nous en parle quand même de ce livre-là, tout de même intriguant, puis... bref, c'est ça. Moi, ça me suscite beaucoup de questionnements. D'intérêt, de questionnements. La petite ténébreuse Michèle Robitaille qui nous jase de la famine irlandaise, partir ou mourir. Sujet encore un peu compliqué, mais pour la Saint-Patrick. Oui, en fait, ben c'est ça, c'est pour la Saint-Patrick. Tu sais, ouais. Que je disais, elle nous parle de pourquoi on fête finalement la Saint-Patrick ici. Puis c'est, entre autres, là, elle nous parle des Irlandais quand ils sont venus avec le scorbut puis tout ça. Puis ouais. C'est comme quand j'y ai réécrit, merci pour ta chronique, mais c'est quand même super dégueulasse, mais en même temps, c'était la réalité de... T'sais, d'un bateau, puis là, les morts, il fallait qu'ils jettent par-dessus bord, ouais. Parce qu'ils gardent pas ça, puis il y a plein de maladies qui se développent pendant la traversée. Tu sais, on se rend compte que notre vie, ça va bien, là. C'est ça. Et dans le cinéma d'aujourd'hui, oui, Louis-Étienne Villeneuve qui nous parle de Tokyo Fiancé et de Félix Émera, et aussi la programmation du cinéma Le Tapis Rouge. On saute par-dessus des tonnes de choses, mais on a le temps de parler de vernissage hommage à la galerie R3 pour Olivier Chevrette. Oui, ben c'est ça. Il y a une exposition de ses œuvres. Ça boucle peut-être un peu la boucle sur le campus. Et ben là, c'est terminé. Là. Il y a un autre vernissage qui s'en vient à la Galerie R3. Ouais. Dans la section loisirs, Alexandre Laramie-Zwicky et son illustration à la confesse qu'il veut cette semaine, c'est l'ex-ministre de l'Éducation. Mais lui aussi, il faut croire que ça fait réagir les étudiants. Oui. En sport, on a les Patriotes de la semaine du 2 mars. On a aussi le soccer masculin. Les Patriotes confirment leur suprématie. Ils sont au premier rang, l'UQTA. Oui, mais c'est ça. Ils ont fini. Là, il y a les séries qui s'en viennent, mais ils ont fini premier au classement. Ça fait super longtemps que c'est pas arrivé. Je sais pas, tu sais, ils ont changé de coach avant les fêtes. Mm-hmm. Je sais pas si ça a comme donné un vent de renouveau, là, mais... Donc, puis le coach Rock Goyette, il dit que là, maintenant, c'est juste qu'ils doivent confirmer tout ce qu'ils ont fait. Puis que... Ah oui, c'est ça. Doivent confirmer tout ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant pour les séries qui s'en viennent, puis de démontrer que c'était pas juste un coup de chance Okay. Il me manque des mots ce matin. Ouais. En natation, bilan de l'année, de bons éléments s'en vont. Oui, mais juste avant, je voulais dire que pour le soccer féminin, eux, ils ont fini dernière au classement. Okay. C'est un peu... Ouais. C'est pas la même chose. Alors, on a parlé tantôt de Caroline Lapierre-Lemire, donc elle s'en va, et natation au bilan de l'année. Oui, ben Caroline Lapierre-Lemire, pour reprendre les mots de la journaliste, a marqué les esprits, je pense, du sport universitaire ici à l'UQTR, des Patriotes, en tout cas en natation, parce qu'elle a eu vraiment des bons résultats tout au long de son parcours ici, comme nageuse pour les Patriotes de l'UQTR. Et là, autant pour ses temps, ses classements, la qualité de ses performances. Dernièrement, comme on disait tantôt, là, elle a eu 3 médailles de bronze au championnat provincial du RSEQ. Deux fois sur le podium au championnat universitaire de natation à Victoria dernièrement. Elle a fait 5 saisons ici à l'UQTR et là, elle termine sa maîtrise, donc c'est fini pour elle. C'était sa dernière nage là, avec les Patriotes de l'UQTR. Puis quand on lui demande ce qu'elle va faire après, elle répond « C'est une bonne question. Je ne sais pas exactement puisque j'ai appris que la vie nous réserve beaucoup de surprises. Avec mon sport, j'ai souvent dévié de mes objectifs professionnels et j'en suis pas moins heureuse. Au contraire, je pense qu'il est important de saisir les opportunités quand elles s'offrent à nous. Donc, après ma maîtrise, je vais peut-être continuer à coacher, car j'adore ça. J'adore transmettre ma passion pour mon sport. J'aimerais grandement contribuer au système sportif et aider les jeunes athlètes à se développer, que ce soit en natation ou dans d'autres sports. » Puis un peu dans la même lignée, il y a aussi Cédric Campanelli qui quitte la formation de natation, qui est un étudiant d'origine française qui va terminer qui va faire encore ses études en administration. Il retourne en France et il dit qu'il va continuer à nager. Donc, il y a quand même des personnes qui restent au sein de l'équipe de natation, mais c'est quand même ceux qui se sont vraiment illustrés dans les dernières années là, avec le club de natation des Patriotes de l'UQTR. On les salue. Et on termine en cheerleading, 3e compétition universitaire, des résultats en baisse pour les Pats. Ben oui, ils ont fini 4e, c'était ici à Trois-Rivières le 28 février, donc Université Laval, 1e position, Université de Montréal, 2e, Université du Québec à Montréal, 3e position, donc va falloir qu'ils mettent beaucoup d'efforts. Les bouchées d'eau. Les cheerleading. Ouais. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de garçons dans cette équipe. Oui. Ça m'a impressionné. Plus que les années passées, je pense, en effet, selon les photos. Donc voilà pour le Zone Campus, volume 10, numéro 13, du 10 au 23 mars 2015 en kiosque. C'est dans plusieurs commerces à Trois-Rivières, sur le campus de QTR, sur zonecampus.ca bientôt. Il sort fraîchement ce matin, là. Tout à fait, il n'est pas encore arrivé, de l'impression. Il arrive tout le temps en début de matinée. Donc merci beaucoup, Myriam Lorty. Merci à vous. À dans deux semaines pour. Il nous reste trois numéros du Zone Campus. Mais oui, crème, ça passe vite. Bonne journée à toi. On prend une pause, au retour, c'est Master Steph avec Stéphanie Paradis. Oui, ça va bien. Manquez pas ça. Dans deux minutes. Fou de découverte. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. C'est à l'émission matinale en pièces détachées à Assemblage requis. Il est 9h11 environ, en ce 10 mars 2015. C'est Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. Ah, et nous voici arrivés au moment opportun de la fin de l'émission du mardi. C'est le moment où on mange quelque chose, que ce soit dans une grosse pointe en dresse ou cette fois-ci dans Master Steph. Master Steph, la chronique pour laquelle on cuisine la bouffe décadente du net. Pas trop décadent cette semaine, par contre. Ah ben, c'est quoi, tu nous as amené une tranche de pain beurré? Oui, que j'ai effoiré, roulé, j'ai fait des sushis avec. Ah, c'est ça qui va au congélateur. On a dit tantôt qu'on avait besoin d'un congélateur pour ça. Moi, c'est, j'ai aucune idée. Je suis pas encore allé. Je suis sur Facebook, mais je suis pas allé voir ni la pièce que tu m'as envoyée pour la musique, ni la page Assemblage requis. Je veux être comme un auditeur typique et être surpris. Et être dans le néant. Voilà. Donc, oui, cette semaine, je vous présente, bien entendu, une recette avec la préparation. Si vous voulez suivre avec nous, c'est tout simple. Vous allez sur la page Facebook d'Assemblage requis. Vous allez dans l'album Photo Master Steph ou sur le mur. Ça devrait arriver dans l'ordre et vous allez avoir les photos pour suivre avec nous. Et cette semaine, j'ai fait du fudge au quinoa. Du fudge au quinoa. Du fudge, là, c'est sûr que tu me gagnes dès le départ. Quinoa, je sais pas, j'ai jamais vraiment tant goûté à ça, du quinoa. T'as jamais mangé de quinoa? Non. Je veux pas être le seul. Quinoa, jamais mangé ça! Quinoa, jamais mangé ça. Ouais. Oh, ben tabarnouche! Ça, c'est un gag! Bravo! C'est un gag! C'est ça, ben c'est un gag. Donc, les ingrédients, c'est quand même très simple ce que ça nous prend. C'est une demi-tasse de quinoa cru. Donc, on prend pas la peine de le faire cuire. Okay. Le but, c'est pas ça. Ça nous prend 8 dattes medjool. Je sais pas si ça se prononce comme ça, mais c'est les grosses dattes juteuses. Comme quand tu te fais frapper dans les couilles. Oh, medjool! Tu dis ça, t'es jawa? Ah, ben oui. Ensuite, ça prend 2 cuillères à soupe de poudre de cacao, 1 cuillère à soupe d'huile de coco fondue, oui. 3 à 4 cuillères à soupe d'eau, et si désiré, c'est facultatif, flocons de sel de mer. Miam, moi je dirais que oui. Moi, je dirais que non. Bon, ben, laisse faire le Donc, c'est tout simple. On commence par, dans une poêle, on va faire griller le quinoa à sec, à feu moyen, jusqu'à ce qu'il embaume. Mais pas jusqu'à ce qu'il soit quinoaire. Non. Non, mais moi, j'avais du quinoa rouge, okay, de toute façon. Donc, il faut vraiment que tu le laisses longtemps, ça vienne noir. Hein. Donc, c'est environ 1 ou 2 minutes et remuer à quelques reprises. C'était difficile pour moi de dire si ça embaumait, étant donné que j'avais le nez bouché. Ouais, donc, on y va au feeling, à la coloration. On est de même, nous autres, les nez bouchés. On est dans le club des nez bouchés en ce moment. Voilà. Après les petits débrouillards, les petits débouchés. Le club des nez bouchés. Ensuite, à l'aide d'un blender. Ça, c'est un terme médical. De non culinaire. Scalpel, blender. Donc, à l'aide d'un blender, on va blender le quinoa à haute vitesse jusqu'à ce qu'il ait la texture de la farine. OK. Okay. Donc, on veut se faire de la farine de quinoa, finalement. Ah! Est-ce que ça s'achète tout seul, de la farine de quinoa, si mettons t'en veux? Dans certains magasins en vrac, tu peux acheter de la même de la farine d'amarante. OK, cool. Fait que farine de quinoa, je suis pas mal sûre. Ouais. Et on va transférer dans un robot culinaire. On va ajouter dans le robot les dattes, la peau de cacao, l'huile de coco avec le quinoa et on va broyer jusqu'à ce que le mélange soit homogène. Donc, on veut blender en masse parce qu'on veut quand même que notre datte fusionne avec le reste du mélange. Ouais. On veut pas des gros motons de datte. Ensuite, on va ajouter une cuillère à soupe d'eau à la fois et mélanger entre chaque ajout jusqu'à ce que il y ait une pâte qui se forme dans notre robot culinaire. Ensuite, c'est tout simple. On prend un petit contenant de format sandwich et on va tapisser de pellicule plastique. On va presser la pâte dans le contenant et on va lisser la surface avec une petite spatule. Et là, c'est le moment, si tu le désires, de saupoudrer de sel de mer. Ce que t'as pas fait. Que je n'ai pas fait. D'accord. Ensuite, on va placer au congélateur pendant 3 heures, un minimum, jusqu'à ce que ce soit bien... bien dur et figé. Mmh. Et on retire du congélateur, on coupe en petits carrés de la grosseur d'une bouchée, et voilà. Et ça se conserve au congélateur aussi. Fine. Là, je sais, hein, je sais là que t'es comme déçu, là, tu chiales, là. Je devrais pas faire des choses santé. Non, je dis mais... tu devrais mettre du sel quand on te demande de mettre du sel. C'était facultatif. Mais mes choix, ça reste quand même des sucreries, là. Je vais toujours faire des desserts, là. Je t'arriverai pas avec un poulet au beurre, là. De toute façon, je serais partant. Mais je sais pas où je pourrais le conserver de toute façon. Non. OK, et honnêtement, pour le moment, moi, j'ai envie de découvrir et de faire découvrir des options qu'on peut consommer quotidiennement sans avaler des milliers de trucs chimiques et par la même occasion gérer des aliments qui pourraient même apporter des bienfaits à notre corps, oui, tout en comblant nos besoins de grignotage et de sucre. Exact. Puis moi, je m'occupe du reste dans une grosse pointe d'adresse l'autre semaine, pareil. C'est ça. Donc, faut quand même essayer d'équilibrer les choses. C'est ça. Là, c'est sûr, je dis oui, grignotage, ça va, mais de sucre, c'est pas très sucré, là, la recette. Non. Tu vois, le seul sucre, c'est les dattes. Oui, c'est bon, comme quelque chose de sucré, je trouve que les dattes, c'est quelque chose de très, très bon dans même... la catégorie de... Et c'est très, très, très sucré. Oui. Parce qu'on s'entend du cacao comme ça, c'est très amer. Oui. Donc, c'est pour ça que je me disais que le sel, ça serait peut-être trop. Peut-être. Parce que c'est pas assez sucré, je trouve, pour venir équilibrer. Donc, on aurait fini avec vraiment une grignotine salée. Et c'était pas vraiment le but que moi, personnellement, je recherchais pour l'instant. Moi, j'ai trouvé l'idée intéressante de cette fudge-là pour manger du quinoa sans vraiment avoir l'impression d'en manger. Je trouve ça le fun d'essayer des nouvelles céréales. Si on veut, comme là, justement, je vais te faire un peu découvrir le quinoa version cochonnerie, hein, et non version accompagnement de saumon. C'est ça, je dois avouer que c'est quelque chose que j'avais envie d'essayer de toute façon, parce que j'avais jamais vraiment eu l'opportunité de l'essayer, donc ça va être aujourd'hui le moment. Ben c'est sûr que tu vas pas, ça va pas goûter comme si tu faisais juste cuire du quinoa en accompagnement. Ouais. Mais moi, c'est quelque chose que j'adore. Il y a des salades que tu peux faire avec ça. C'est vraiment très, très bon. Avec un léger goût de noisette, là, tu sais, quand c'est grillé. C'est ça, voilà. Moi, j'adore ça. Précaution à prendre quand on fait notre recette. Faut pas oublier d'enlever les noyaux des dattes. Parce que normalement, dans les dattes séchées, il y a pas de noyaux. Mais là, dans les dattes medjool, je suis pas sûre qu'ils sont séchés tant que ça. Ils sont comme semi-séchés. Il y a encore le noyau. Ils sont très juteuses. Noyau, il est-tu dans le mid-jour? Dans le mid-jour? Dans le mid-jour de la date. Ouais. Ouais. Donc, ça risque d'être moins homogène, là, votre mélange, si vous laissez le noyau. Vous pouvez même peut-être péter votre blender. Je sais pas à quel point ça peut blender un noyau. Je sais pas. Mais vous voulez pas le manger de toute façon. Voilà. Donc, avant de goûter, qu'est-ce qu'on fait, Mathieu? On écoute une chanson! Ben moi, je pense que ça serait une bonne idée. On y va avec quelque chose de très ambiant, là. Donc, on prend ça très relax ce matin et on s'en va entendre la pièce Fly de la formation Quinoa. Ah ben, quel hasard! Dans la chronique Master Steph. We'll be right back. Fly. Je sais pas si c'est pour vol ou pour mouche. Ah, on sait pas, on sait pas. Mais Quinoa. C'était de la formation Quinoa. Wow. À Master Steph. C'était super ambiant. J'aime ça, moi, ce genre de musique-là. C'est, ça met dans un... Ah, c'est fun, hein? J'ai trouvé ça très agréable comme, ouais. Comme ambiance. Et là, je suis super hygiénique. Je me mets du Purel. Okay. Même si on a probablement le même rhume. Probablement. Je sais pas, tu sais, c'est toi ou mon chum qui me l'a donné, là, des fois, je sais plus là, qui j'ai frenché en dernier. C'est ça, c'est difficile de trouver l'origine des microbes. Je passe par le sous ce commentaire-là. Moi, je, dans le fond, vu que t'en as déjà pris, j'étais comme déjà immunisé pour moi, fait que t'as pas besoin de m'en donner. Du, c'est ça. Mais je sais pas, tu vas pas me toucher, c'est moi qui te sers. T'as raison. Mais bref, on a regardé pendant la pause musicale, ta recette de fudge au quinoa mm-hmm. contient des noix de Medjool. Non, il n'y a pas des noix de Medjool. Pas des noix, des dates de Medjool. Medjool, c'est ça? Medjool? C'est comme ça qu'on dit ça? Medjool. Fait que tantôt, j'ai fait une blague là, qu'il y avait dans le milieu de quelque chose. Mais le gag à faire, ça aurait été « Stuck in the Medjool with you ». Stuck in the Medjool with you. C'est drôle, ça? Ouais. Ben, c'est drôle. Ouais. C'est sûrement moins, plus drôle quand c'est pas expliqué, genre. Quand c'est comme sur le moment, vite. Ouais, quand c'est spontané. C'est ça. Ouais. Tu veux-tu... Tu fudge? S'il te plaît. J'aimerais ça. Tu l'as pas ouvert dans le micro magique? Bon, là, c'est Rubbermaid, on l'a entendu souvent. De Saran Rap. Merci. On dirait, quand tu l'avais dans le bol tantôt, ça ressemblait à presque de l'asphalte. Du bitume. Mais en le regardant, ça ressemble à des... comment dire... ça ressemble à rien physiquement, on dirait. Ben... T'sais, tu vois encore un peu le grain de quinoa. Là, mets pas trop tes microbes dans le couvercle, finalement. Là, parce que moi, je remets ça là, sur mon plat. Là. On dirait de la terre, tu sais. On dirait qu'on mange de la terre. Je touche pas au couvercle. Non, je touche pas, oui. Mais en théorie, ça serait supposé être plus solide. Là, mais c'est parce que moi, ça fait 2 heures qu'il est pas dans le congélateur, puis okay. Il devrait l'être. Là. Bon, est-ce qu'on se met un bout de terre dans la bouche? On dirait que notre chien est allé déterrer ça. Let's go. On a pas de chien. Ça goûte un peu le Purel. Ah! C'est sûr qu'on a le goût un petit peu trompé parce qu'on a le rhume, mais je le sens. Je sens les dates. C'est très. C'est vrai qu'on les sent quand même un peu les dates. C'est rugueux, j'ai la texture. Rugueuse. C'est granuleux. C'est mou. Mais ça serait supposé être plus dur. J'aime ça. Moi, je mangerais ça à cuillère, je mettrais ça sur mes toasts. Oui, vraiment. C'est très noisette, on dirait quasiment un beurre de cachou, quelque chose comme ça. Parce que j'ai fait du beurre de cachou il y a pas si longtemps. Mais ça avait pratiquement la même texture et la même saveur noisette, là. Que j'aime beaucoup retrouver dans le quinoa. C'est pas très sucré, en fait. Non, pas du tout, mais même en ce moment, pas mal tous les repas que je mange, je fais comme, il me semble que ça goûte à rien, ben c'est ça, t'as le rhume, man. En tant que tel, c'est bon. Pour vrai, ça, c'est assez dangereux. Je mangerais le plat au complet en avant de la télé. Facilement. Là. Justement, c'est pas très sucré. Ça tombe pas sur le cœur. Mais t'as le petit chocolat qui vient juste combler une envie de grignoter. Tout à fait. Donc, non, c'est pas une grosse cochonnerie. Là. C'est quelque chose que tu peux manger. En fait, tu peux manger ça comme collation là, parce que c'est quand même nutritif. C'est du quinoa avec des dattes. Ouais. Donc, c'est plein d'énergie. Ça pourrait être en forme de biscuit, ça pourrait être en forme de petite boule, ça pourrait être en forme d'à peu près n'importe quoi, finalement. Tu pourrais le rouler facilement ouais. Et le tremper dans le chocolat. Ah, boy. Ah, ça, là. Ça, sur de la crème glacée, peut-être aussi. Tu sais, tu te donnes un petit bloc de ça avec de la crème glacée dessus ou du Cool Whip. Ça serait très bon aussi. Moi, je suis un fan de Cool Whip. Tu de la graine dans ton. Dans ta crème glacée, ça te fait un tourbillon. Oui. Tu mets dans ton yogourt aussi, peut-être. Il y a pourquoi pas. Plein de bonnes façons. C'est vrai que ça serait bon. Ouais. Ben, Colin, c'est très polyvalent, je pense. Vraiment. Ben, c'est ça. Colin, merci, Steph, pour ta recette. Depuis la dernière fois qu'on a fait Master Steph, on a plus de trucs et astuces. Mm-hmm. Donc, à la place, on fait quelques petites nouvelles de fast-food pour accompagner, comme je fais avec une grosse pointe en dresse les mardis en alternance avec ta chronique. Que dirais-tu? D'un hamburger Xbox One disponible à Hong Kong. Xbox One, on peut jouer. One. Ils disent de pas jouer avec la nourriture. Ben si seulement tu pouvais avec ce hamburger-là, parce que tout ce qui date de Xbox One, c'est pas mal son nom. Donc c'est la chaîne de fast-food Triple O qui est en partenariat avec Microsoft pour le Xbox One Burger pour une durée limitée. C'est soit le standard original burger avec une boulette de viande et la sauce Triple O, ou encore le Chicken Supreme Burger avec du poulet sans les os. Et de la mayonnaise miel et moutarde, mais tout ça dans un emballage Xbox One. Les opportunités de marketing sont sans limite, je pense. À quoi est-ce qu'on va apposer le nom d'une marque qui a pas rapport avec pour vendre des affaires? Je vois pas comment un gamer pourrait dire « Ah ben, Crime, c'est mon hamburger préféré parce que j'aime la Xbox One. » Ben, il faudrait que ce soit quelque chose de plus spécifique. Ouais. Tu sais, toi, si ça avait été un hamburger Mario Bros, tu serais allé le manger. Clairement, j'aurais gardé l'emballage. Microsoft a inclus des petits coupons rabais pour des hamburgers avec les achats de sa console Xbox One pour le nouvel an lunaire. Donc, c'est comme ça qu'ils ont dit que ça avait un sens, c'est en donnant des hamburgers gratuits quand t'achètes une Xbox One. Ensuite, tu sais, c'est toujours à la mode des affaires qui pétillent, que ce soit de la liqueur ou d'autres. Mm-hmm. Il y a des eaux pétillantes aux fruits. Maintenant, on essaie de remplir un autre créneau avec du thé glacé pétillant. Oh! Ah, ça me donne vraiment envie. C'est le Bubbly Tea avec une nouvelle publicité télé que vous pouvez voir sur assemblagerequis.com. Donc, est-ce que c'est la cure pour les gens qui arrêtent de boire de liqueur mais qui veulent encore un petit peu de pétillant et quelque chose de bon pour toi? Du thé glacé pourrait l'être. C'est sûr que là, c'est du Lipton. Je sais pas si c'est aussi bon que d'autres thés glacés. Je connais pas les spécificités des bienfaits du Lipton Iced Tea. Mais c'est donc un partenariat entre Pepsi et Lipton Tea. Donc entre PepsiCo et Unilever, ils ont lancé un thé avec un petit peu de bulles à l'intérieur. Donc c'est version limonade aux framboises et à saveur de pêche. Et puis comme ça, il y a une nouvelle publicité télé qui nous montre les aspects, les bons aspects du thé avec de petites bulles. Ils disent light, crisp, tiny bubbles, donc des petites bulles quasiment croustillantes, genre excitantes, exaltantes, si on veut. Donc les ventes de thé qui vont quand même bien pour un PepsiCo qui est pas mal numéro 1 dans sa catégorie en ce moment. Donc ça pourrait avoir du succès. Moi, j'ai envie de l'essayer. Sauf qu'il va sortir ça, c'est sûr que je vais essayer. Moi, je suis pas fan de bulles en général. Non, ah, je trippe trop. Non, bulles. Honnêtement, là. Et du thé glacé comme alternative à la liqueur, je trouve que c'est très, très gagnant pour moi. Donc si tu mélanges au les goût. Deux, au goût, oh oui, tout à fait. Ah oui. Donc avec le petit côté bullesque, j'aime ça. Ensuite, le Japon a des œufs fruités, Stéphanie. Ils ont fuité. Fruité. Ah, ok, ouais. Donc, si tu cherches une façon de savourer ton déjeuner, mais un petit peu différemment, fruiter un petit peu la chose, c'est les œufs Yuzu Tama, nommés en l'honneur d'un agrume qui s'appelle le Yuzu Citrus. Donc, l'œuf qui goûte apparemment un petit peu la mandarine surette. Donc, c'est un fruit très populaire au Japon, souvent utilisé dans des desserts. Et quand tu manges, c'est une petite vague d'arôme de yuzu. Et donc, le côté rafraîchissant du déjeuner aux agrumes, déjeuner aux fruits. Achète-toi un yuzu puis mets-toi-en dessus. Ben, c'est bizarre. C'est vraiment étrange. Donc, Rocket News 24 qui recommande un simple plat pour essayer cette nourriture-là en allant voir le lien sur assemblagerequis.com. Vous allez voir comment ça se fait avec du riz et des œufs. Bref, une saveur fruitée qui sent l'œuf, sent le fruit avant même que la coquille soit craquée. Mais je trouve que ça réduit un peu tes possibilités de ce que tu peux faire avec tes œufs. OK. Ben, ouais, tu peux pas faire une omelette. Ouais. C'est une autre chose œufs. C'est ça. Et ce n'est pas, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, le résultat d'une modification génétique. Les œufs, les poulets, sont nourris avec des pelures de yuzu, avec du kale, du maïs et des graines de sésame. Donc, ça affecte le goût, étant donné que c'est très, très fruité. La pelure de yuzu, ça affecte le goût et l'odeur des œufs que les poulets vont sortir. Ouais, exactement. Présentement, on produit ça sur l'île japonaise de Shikoku. Et un emballage de 6 coûte environ 4$, peut-être 5-6$. Voilà. Je serais vraiment curieuse de goûter pareil. Moi aussi, c'est intriguant pas mal ça. Ouais, vraiment. Voilà. C'était un petit survol rapide de nouvelles de fast-food. On en fait d'autres à la fin d'une grosse pointe en dresse les mardis en alternance. C'est agace peu. Agace, c'est-tu un jeu de mots? Non? Non. J'essaie de chercher un jeu de mots. C'est agace. Mais il n'y en a pas. C'est juste agace pour vrai. Voilà. C'est tout pour Master Steph et c'est tout pour l'émission d'aujourd'hui. Ouais. Ah, c'est déprimant, je le sais. C'est déprimant. Mais nous serons de retour demain entre 6h30 et 9h30, toujours en direct à partir de 7h30. Une chance. Demain, mercredi, à l'émission, on va avoir Frédéric Bernard et sa chronique Crackpot TV. On a aussi Cédric Gilbert et activer notre santé. Voilà. Sur nos ondes plus tard aujourd'hui, à 11h, c'est le dîner de con avec Danny Janvier. Ensuite, à 13h, rock classique avec Alain Lefebvre. Réanimation sera à 19h avec du métal et de l'horreur. 21h, matière noire. Sif.ca pour la programmation complète. Assemblagerequis.com pour les notes de l'émission et les balado-diffusions. Merci évidemment à tous nos chroniqueurs d'aujourd'hui, Gabriel Béhoun. Oui, Myriam Lorty. Sébastien F. Gartin. Moi. Toi, Stéphanie Paradis. Toi, Mathieu Plan. Merci. On remercie aussi Samantha Savage-Smith avec qui on se quitte. Ah, ben pourquoi pas? Pour la pièce It's a Burn. Et on se retrouve demain à 6h30. Bonne journée, Steph. Bonne journée, Mathieu. We'll be right back.